starts now. Nous volons à 10 000 pieds d'altitude à la vitesse de 900 km/h. It's the last goodbye. On est branché sur la radio. Dans la voiture, ça sonne très bien. Le commandant de bord et l'équipage vous souhaitent un agréable voyage. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Les bons délires, ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti. On délire ensemble. Jadoule, Jadoule, Jadoule. Tous les mercredis. Jadoule, Jadoule, Jadoule. Moi j'aime. Jadoule, Jadoule, Jadoule. Jadoule, Jadoule, Jadoule. 3, 2, 1. Tous les mercredis, la soirée ne fait que commencer avec Jadoule. Et nous allons pousser des décibels et toute son équipe en podcast. C'est dingue. Il est grand temps de décoller de vos sièges. Ce soir, c'est Jadoule qui pilote. Allez, ça y est, il finit ce générique. Wow. Le plus long générique, je pense. On n'a jamais fait un générique aussi pour, long. Pour la plus longue émission, je pense. Alors, non, normalement, on va se contenter de faire 3h15. 3h15, oui. Ah, bah, ça va. On va essayer, t'as dit. Ouais. De toute façon, on n'a pas le choix, l'antenne, elle part à 23h15. Et si d'ici là, ça brûle, bon, bah, écoutez. Tout peut arriver. Voilà. Là, c'est comme l'année scolaire de Kix. Tout peut arriver. Merci, allez, bonne soirée. Première belle perdue, 20h02, bravo. Ah, ça démarre bien. Ça va, tout va bien, vous êtes bien installés? Oui. On est vraiment heureux de vous retrouver, il y a beaucoup de monde dans ce studio. En même temps, comme vient de dire le patron qu'on a eu par message, c'est une grande fête foraine. Mais bien produite. Avec plaisir. Bah, écoutez, on est là pour vous servir, on est là pour vous divertir. Il y a à boire, il y a à manger ici dans ce studio. Si vous aussi vous avez faim, il y a à boire et à manger dans le contenu. On a des grandes séquences. On a toute l'actu de Maëva. Oui. Wow. Antoine a scanné à peu près tout ce qui est possible dans le ciel. Paraît-il. Voilà. Baptiste, il va encore nous attirer des problèmes au CSA. Plus pour attirer des problèmes. Ah pardon, hop là, attends. Tous les micros sont coupés. Tous les micros sont coupés. Bah voilà, au moins c'est pour que je pose plus de problèmes. Censure. Une censure dès le début. Parce que tu dérange, tout simplement. Voilà, Baptiste est là. Et puis Kix. Bonsoir. Bah, il est là. Merci à tous. On aura pour toi de la semaine, on va revenir sur Images à l'appui à la télé. Pourquoi pas? Pourquoi okay, pas? Pourquoi pas? Voilà, on aura le fallait nous dire plutôt de Maëva. Oui, je vais vous expliquer pourquoi, enfin vous devez découvrir pourquoi on peut pas dormir tout nu en canicule. Bah, à cause des voisins, bon. Simplement. mais pourquoi tu vis sur un truc vitré? Mais, ah, oui. Tu dors dans le studio? Oui. Ok. Tu comptes les fenêtres. Tu comptes les fenêtres. En voilà. Étoile. C'est comme ça fait ventouse. Les trucs qu'on lançait là sur les fenêtres, là, les petits bonhommes qui. Les godes. Les. Oui, exactement. On n'a pas eu la même enfance, je pense. Non. Bon, on cherchera pourquoi il y a des sextos. Oh, allez, je sais plus. C'est quoi la question? Pourquoi il faut pas dormir tout nu en période de canicule? Voilà, c'est ça. Et Antoine, qui est avec nous. Oui, bonsoir. Tout se passe bien? Tout se passe bien, oui. Tu es heureux? Il se passe des choses ici autour du studio. Ça va être fabuleux. On va tout décrire. Ouais. On va essayer que tout soit digeste pour les autres. Il va falloir beaucoup décrire, je pense. Oh là là. La radio en audio description ce soir. Ouais, ça va être exceptionnel. Baptiste, même pour les habitués, vous ne le connaissez pas, c'est normal, il a fait une émission. Bonjour. Et il a compris comment ça fonctionne, il revient pour la dernière et se gaver à l'apéro. Voilà, c'est une très bonne technique. C'est magnifique. Les chips qui me regardent là depuis le début. Sympa ça. Alors, je vous décris comment il est dans ce studio. Nous, on est tous autour de la table et Baptiste est en retrait. Voilà. Sur une chaise haute. Une chaise haute, comme et si vous surveillez. Et en maillot de bain. Avec un sifflet. Exactement, tel un maître nageur. Sauf qu'il ne sait pas nager. Bon, toute la bouée. Ça va être un problème, ça. Vous nous écoutez, Namur, Bruxelles, partout dans le monde, en podcast aussi. Il y a beaucoup de délires de cette saison qui vont revenir aujourd'hui, étant donné qu'on va revenir aussi sur ce qui a marqué cette émission. Les temps forts. Ouais, de haut en bas. Et dit, que dire? Qu'est-ce qui s'est passé, Kix? Quoi? Pourquoi tu regardes mes cheveux là? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est au niveau de. C'est une nouvelle coupe, oui, ah. C'est une nouvelle coupe. J'ai tenté quelque chose. Bien, aérodynamique. Ça, long ouais. Comme ça, ça te fait, c'est beau. Merci. Non, en vrai, pour expliquer, j'ai pas su aller chez le coiffeur, donc c'est un ami qui m'a rasé les cheveux. Et c'était pire que ça avant. Ah donc, merde. Là, attends, là, t'as rectifié son tir? Oui, là, c'est retravaillé par moi-même. J'ai dû installer mon iPhone. Mon écran de PC. On veut pas en savoir plus. Voilà. C'est bon, merci. Et ça donne ça. La molette. Maëva est avec nous. Ouais. Mais enfin. Ça va? Ça va et toi? Baptiste, t'avais pas des examens toi? Oh si. Et j'ai tout réussi. Bah bravo, bravo. La musique. Voilà. Et Kix? Et Kix? Alors, t'en es où toi? Ça va Maëva? N'y touche pas. Ni demain. J'aurais peut-être dû te le demander hors antenne. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, en soi, j'ai tout réussi, mais mon TFE, on m'a mis un 9 sur 20. Oh, je comprends. Non, mais je comprends, les professeurs m'aiment bien, ils veulent que j'y retourne. Oui, ça va, la cheville, mais ça va. Oui. La cheville. Bref, j'ai présenté tout le monde, j'ai oublié personne. J'ai dit bonjour à tout le monde. Mais il y a une personne bizarre qui est passée là. Oui, Hiro, tout à non, l'heure. Mais c'est normal. Oui. C'est qui? Il me semble que j'ai déjà vu quelque part. Une ombre, voilà, j'ai vu une ombre aussi. Monsieur ouais. Monsieur Monsieur. Je fais ce que je peux, moi, ici. Hein. Ah je suis en plein Teams, moi, ici. Qu'est-ce que tu veux? Alors, celui que vous entendez là, c'est Claude. Claude, c'est un habitué de l'émission maintenant depuis 2 ans. Et maintenant, il est devenu notre producteur depuis quelques mois. Ben oui, Andy, tu m'as donné du travail, hein, Tiche. Ouais, il fallait bien. Hein. Et tu m'entends, hein, dis-moi, quand on démarre les émissions comme ça, sur le chapeau de rouge, toi, je dois rendre des comptes à la direction, hein. Qu'est-ce que tu crois, toi? Eh, je sais. J'ai des obligations, hein. Vous êtes l'intermédiaire entre nous et la direction de la radio. J'essaye tant que je peux, hein, quand tu fais pas trop de bêtises, hein, Tiche. On essaye de se canaliser, mais ce soir, j'aime autant vous prévenir que... Ça va être compliqué. Et je suis quand même content de ton année, parce qu'on a fait quelques petites économies sur le budget. Ah ben ça. C'est sur les salaires. Voilà. J'ai pu garder une petite raouette pour acheter 6-7 merguez au Lidl. Oh. J'ai ramené du frais ici. Excellent. Donc, si j'ai bien compris, vous allez nous faire un barbecue. Bah écoute, je vais essayer. Hein. Je vais essayer de rassembler les éléments ici. Y a tout dans ton studio ici. C'est la radio ici. Ah oui, c'est la radio là. Ah oui. Et écoute, je vais trouver du courant. Donc, il y en a déjà sur le rooftop. Ah parfait, nickel. Voilà. Je vais trouver ça. Ça va être sympa. Merci Claude, et n'hésitez pas à intervenir à tout moment sur antenne. Hein, je préfère l'andalou ou la mayonnaise. Faites déjà cuire les viandes et on en reparlera, d'accord? Il y a des oignons. Oui, il y a des oignons. Oui. Yes. On va faire une émission aux oignons ce soir. Ouais. Allez. Merci Claude, on se retrouve tout à l'heure. Il est déjà parti. Voilà. Il est mort. Mais Claude! Ah oui, je suis en pleine réunion, moi, ici! Mais t'envoies vraiment des mails? Je suis en direction et je suis en plein call avec la direction, hein! Tu peux pas s'en. C'est un travail de tous les instants, tu penses que j'ai pas des obligations, moi, ici? C'est vraiment pour la radio que vous êtes en Teams? Tout à fait! Même lui, il y croit pas! On se demande laquelle, hein, pas la nôtre! Allez, à tout à l'heure, Claude! D'ici quelques instants, on va avoir aussi le Végastral, Dominique Vegas, notre voyant! Et donc, c'est sans commentaire, je pense. Ah, ça va être. Ça va être. Épique. Et il sera là, quoi. Qui sera notre invité d'ici quelques instants dans l'émission? Qui le sait? Je sais pas. Tu m'as dit que c'était une personnalité, mais. Ouais, qu'on connaît, qu'on aime bien, c'est. Régine! Allez! Je veux pas lui faire de peine, surtout qu'à cet âge-là, tous les complexes vous guettent à chaque pas. Toin, toin. Oui, c'est bon, tais-toi. Avant de démarrer cette émission, je vous propose qu'on écoute juste ça. C'était un super show, comme d'habitude, comme à chaque fois qu'on organise quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Un super show. C'est l'auditeur de Radio Falminioul. C'est local? Ouais, c'est local, oui. Bah attendez, deuxième indice. Tout le mal que l'on me fait. N'oubliez pas les paroles. Je sais. Toujours rien? Oui, elle a une grande gueule! Mais qu'est-ce qu'elle a mal à faire? On en a parlé la semaine dernière? Ouais. C'est ouais. Johnny Cadillac? Johnny Cadillac? C'est Johnny Cadillac! Yes! Il est avec nous! Ah non. Oh. Il coûte cher le garçon, mais. C'est vrai? Ouais, mais Johnny Cadillac était là. J'espère que vous allez pas zapper tout de suite parce que je suis toujours là pour quelques minutes. Samedi, il était en concert à la Guinguette Montoise. Ça a fait vraiment plaisir à tout le public. Yeah. On a déjà envie d'être ivre là, à cette heure-ci. Avec modération, bien sûr. Bon, il fallait déjà, franchement, pour démarrer cette émission, les bonnes ondes de Johnny Cadillac. Ouais. Qu'est-ce qu'on ferait sans les bonnes ondes de Johnny ? Pas grand-chose. Pas grand-chose, on peut pas faire un show ce soir. Continuez à aimer Johnny pour ceux qui l'aiment. Et pensez à la rock'n'roll attitude. La première chose, c'est d'être bien dans sa peau, d'essayer d'être heureux. Et le moins de violence possible, croyez-moi. Ça fait peut-être drôle dans ma bouche pour les gens qui ne connaissent que l'ouraken, mais je ne suis pas que ça. Je suis aussi un sosie officiel de Johnny et j'aime les gens. Salut. Voilà, on aime les gens ce soir. Ouais, on aime les gens. Bienvenue dans cette grande émission de 3h15 qui démarre maintenant. Merci d'avoir choisi cette émission, on est en full direct avec vous, en direct du rooftop, en direct de ce studio où il se passe beaucoup de choses, ça gravite de partout, là, tout le monde est en ébullition. Je ne sais pas si on va sortir indemne de tout ça. Si on va tenir les timings surtout. Et je me pose une question légitime, je crois. Oui. Un col roulé, Baptiste ? Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Un 3 juillet ? Je m'étais dit aujourd'hui il fait pas beau. Et j'oubliais qu'il faisait 607 degrés Celsius dans le studio. Dans le studio. Oui. C'est quelque chose qui marque, t'es censé t'en souvenir. C'est un peu les Bahamas de Scarbeck ici. Ouais, vraiment. Scarbeck les pins. C'est bien résumé. Ouais. On y va, on y enchaîne. C'est Jadoul. En podcast. Il s'appelle Charles, il a loué son appartement à une jeune femme. Après 16 mois, sans problème, les loyers ne sont plus payés. Après avoir récupéré les clés... C'était un super show, comme d'habitude. Non, ça c'est de la semaine d'avant. Après avoir récupéré les clés. Et voilà. Voilà ce que vous pouvez voir. La locataire est partie en laissant tout des potoirs derrière elle. C'est le retour d'un bon image à l'appui sur RTL TVI. Ah, ici, des sacs où il y a toutes sortes de choses dedans. Du papier WC, un slip, des excréments là sur le mur. Bah, ok. C'est ton proprio, Kix ? Bah non. Enfin, je fais une visite de ton cote ? Mais non, mais enfin. Bon, allez, au-delà de la crasse. Ici, on est dans la chambre. Tout est cassé, la garde-robe, le lit et les meubles. Et voilà la salle de bain au point qu'elle l'a laissé. Il y a le séchoir qui est là, démoli entre le morceau. Et puis toutes les traces dans tous les coins. Charles a chiffré à 50 000 euros pour remettre en état son appartement, son bien, après tout ça. Ici, on a injecté de la sauce, il y en a partout. De la sauce plein les murs. Bah, on dirait qu'ils ont fait un barbecue avec Claude de notre équipe. Alors, ils ont eu des courriers de la locataire qui a saccagé le bien. Mais vous vous doutez que les courriers sont à l'image. On est obligé de les manipuler avec des gants. Vu ce que la locataire a fait en urinant dessus. Sur les courriers. Sauvage. Il a envoyé des courriers plein de pisse voilà, au propre. Oh. C'est pire qu'à Louvain-la-Neuve. À Louvain-la-Neuve, bah déjà que les logements sont vachement dégueux. Oui. Ah non, même à Louvain-la-Neuve, on ne fait pas ça. Non, bah non. Je vous dirai quel. Bon, normalement, l'émission d'RTL TVI s'arrête à ce moment-là. Moi, en attendant, il n'y a plus qu'à sucer mon doigt. Ah. Oui. Mais tu fais ce que tu veux. Si les mains sont propres, quoi. Mais titre, hein. Sauf que là, on a des nouvelles. Ah. Et depuis notre tournage, la locataire a été condamnée par le juge de paix à verser plus de 6000 euros d'indemnité à Charles. Mais verra-t-il un jour la couleur de cet argent ? Rien n'est moins sûr. Oui, donc en gros, il s'est fait quand même couillonner. Ouais. Et puis, il est même pas sûr de toucher les 6000 euros dont la femme est condamnée. Donc. Bon, bah voilà. Chouette ambiance. Super. C'est parfait, c'est ce qu'il nous fallait, non ? Oh, c'est horrible, ça. Bisous, Charles, on est avec toi. Bah, il doit tout payer de sa poche, du coup, en fait. Ouais, je crois, ouais. Ouais, c'est chaud. Bon, bah, Charles, on vous souhaite une bonne... On vous embrasse. Et un bon courage. Bon courage. Tous les mercredis, c'est avec un bon morceau de gâteau. Et c'est avec Jadoul. En podcast. Eh bien, voilà. Merci, Simone. Ah, le fallait nous lire plus tôt d'ici quelques instants. La question, Maëva, c'est... Pourquoi il ne faut pas dormir tout nu en période de canicule ? Antoine, une idée ? Pour ne pas faire ventouse avec le lit. Oh. Mais tu le dors dans un lit en cuir. Une idée, Baptiste ? Ah pardon, attends, c'est moi, voilà. Ça, il est le running gag. Ouais. Moi, je dirais les moustiques. Ça peut être dangereux de se faire piquer. Et quoi ? Et mettre un pied ? Non, non. À deux endroits, peut-être. Oui, à des endroits sensibles. On est d'accord, hein ? Oui. Pour pas se faire pomper. Voilà. Son sang. Son sang. Son sang. Mais bien, quoi d'autre ? Bah, Bah, pour éviter de se coincer, enfin en général quand on dort tout le monde, peut-être pas se coincer la caquette ou autre chose, je sais pas. Bah, c'est super, on est vraiment. Vous coincez souvent la caquette, c'est quoi haut c'est haut niveau ici, non c'est vraiment sympa. Claudia, en français? Oui, possible, oui, non. Oui, oui, bah non, non. Oui, merci, oui, en direct. Ok, oui, bonne soirée, monsieur le directeur. Oui, oui, oui merci. Allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Claude, vous savez qu'on a repris l'antenne? Vous pouvez faire ça ailleurs et mettre votre téléphone en silencieux, là, vos coups de fil, s'il vous plaît? Et j'adore que j'ai des obligations, tu sais, hein? Et ça tombe bien qu'on se parle un petit peu, parce que le début d'émission est top, hein. Moi, je trouve que le rythme est là, tout est parfait, ton équipe est parfaite. Moi aussi, je dors à poil d'ailleurs. Oui. Je trouve que l'éditorial, c'est un sommet, hein, comme on dit dans le jargon de la production. Il n'y a plus de fine-tuning à faire, tout est parfait. Il y a juste un truc où je suis un petit peu emmerdé, Jadoul, c'est que j'ai des ordres là-haut. Tu sais, la direction, moi j'ai les messages qui tombent ici. Oui, moi, je sais, vous êtes en liaison directe. J'ai les pushs qui tombent sur mon téléphone tout le temps, hein, tout le temps. Et ils sont pas tout à fait contents que t'as un peu égaré leur programmation musicale. Ah oui, ça je pouvais m'en douter. Ouais, j'ai un peu de bouteille, tu sais. Ça fait combien de temps maintenant que je suis ton producteur, Jadoul? Ah bah maintenant 3 mois, hein. C'est en avril que vous avez démarré chez nous. Ah bah tu vois, avec mon expérience, moi je peux te le dire, hein, ça pue cette histoire. Ils sont à cheval sur sa musique, hein. Ils sont à cheval sur la musique dans cette radio, hein. Ça fait 2 ans déjà que votre émission ne fait pas rigoler. Tu vas les vexer parce que c'est la foire. Et ça, c'est vrai que on n'est pas dans les petits papiers non plus. Merci Claude. C'est la dernière. Je suis reconnaissant de la liberté qu'ils nous ont donnée pendant ces 2 ans d'émission, mais c'est tout. On peut quand même se faire plaisir. Voilà, merci à eux. Mais c'est la dernière. Voilà, on se fait un peu plaisir. Jadoul. Tu sais, dans le business, dans le showbiz, dans les radios, comme ça, c'est un sens unique, hein. Je t'apprends rien. Tu crois que les nanas qui veulent une promotion, c'est la radio qui leur fait une gâterie? Arrêtez! Jadoul, c'est pas comme ça que ça marche, hein. C'est au producteur qu'on fait la gâterie, hein. C'est pas ici, c'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce que c'est encore, oui. Dis, Jadoul, tu comptes faire une saison 3, toi? Bon, franchement, on n'en sait rien. On a tout l'été pour y penser, Claude. Oui, bon, ça nous laisse 2 mois pour les calmer. Allez, les gars, show must go on, hein. On lâche pas, hein. Moi, je retourne au barbecue, je vous fais quelques petites merguez. Vous faites l'émission comme des chefs, hein. D'accord. Bah, merci, Claude, de nous avoir fait perdre du temps. Et tu crois que ça m'amuse? Je travaille, moi, ici, hein. Je vous défends, ça tombe de là-haut. Moi, j'y suis pour rien. C'est les ordres, hein, j'exécute, hein. Ouais. Et on écoute quoi? Ben, qu'est-ce que tu veux écouter? Tu veux écouter la musique? Bah, moi, oui. J'ai quelques CD, si tu veux, des compacts disques, du mini DV, j'ai tous les formats. Ok, bah, dites-nous, parce que si on se fait engueuler pour la prog, bah allez-y, ouais, proposez essaye quelque ça, chose. Essaye ça. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah voilà, on y est. Là, on est dans la programmation. C'est ça qu'ils veulent, hein. Je suis pas sûr. C'est ça qu'ils veulent, je te dis. Alors, je veux pas vous vexer, hein, mais ça va être un peu compliqué de nous défendre à la direction. On va pas pouvoir. Si on passe ça, vraiment, là, on sera indéfendable et surtout, on aura plus d'auditeurs qui seraient là. Donc, ça ne servira à rien. Il faut que tu me fasses confiance. Vas-y. Mais écoutez ça. Ça sent le soleil. Moi, ça me donne envie de merguez. C'est surtout qu'on a même pas de merguez, Claude. Eh oui, mais écoute, j'ai acheté des burgères ici, ils sont surgelés. Je dois attendre que ça coule ici. Bon, bah, vous savez quoi, on voit pour votre titre un peu plus tard dans l'émission et on balance la pub et puis on voit plus tard, d'accord? Eh, c'est parfait, dis, t'as pas des glaçons, Tiche? Mais non, j'ai pas de glaçons, je sais, mais Eva a envie de picoler, mais. On peut mettre les burgers dans les gin tonics si tu veux. Bonne idée, Claude. Bon, merci, Claude, on se retrouve dans un instant avant ça. Je vous propose qu'on balance la pub. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. En souvenir de votre cher défunt, vous souhaitez ériger un beau monument funéraire, qu'il s'agisse de peaux d'animaux ou de fibres végétales et animales, et à l'épreuve du temps qui passe. Un rapport qualité-prix sans concurrence. Enogranit à Tournai. Entreprise familiale à taille humaine et spécialisée dans l'archéologie expérimentale. À des conditions avantageuses, car entre Enogranit et le client, tout part en vrille. Que vous soyez classique, original ou contemporain, Enogranit peut réaliser votre repas moule, selon vos souhaits, dans le respect de votre budget, comme une bonne soupe. Si vous ne pouvez vous déplacer, on se rend chez vous avec soirée dansante et un one-man show, vous pouvez visiter leur exposition de culture des légumes anciens sur rendez-vous 222 rue Montplaisir à Ligny-Sainte-Anne. Et nos granites est actif en Belgique et nord de la France. Téléphone en Belgique 069 22 88 22 88 00 05. Visitez le site nicolaslacroix.com. Même maison, pompe funèbre, comment positiver quand tout part en cacahuète. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Tous les mercredis, c'est avec un bon rétablissement. Et c'est avec Jadoul. En podcast. C'est également pour la direction. Des bisous. Surtout ce soir. On les embrasse. C'est parti. Pourquoi les nudistes bon, je sais plus quoi. Mais non. Pourquoi il faut pas dormir tout nu en période de canicule? Mais moi je reste toujours sur pour pas faire ventouse avec le lit. Mais Antoine. Mais oui, mais écoutez. C'est quoi la forme de ton corps pour coller au lit? Je sais pas, je suis perturbé. De nouveau, le monsieur bizarre, il fait des trucs bizarres là derrière. Mais ça, les gens le voient pas donc. Baptiste. Et. Ah, moi je reste sur les moustiques. Mais non, mais bah, si je te dis non une fois, la deuxième fois ce sera encore non. Kix. Peut-être que les draps pompent plus le. Allez, la transpiration du corps et donc le... la personne est mal quoi. Ou alors c'est le métabolisme. Non, mais. Du moustique. Par rapport au moustique. Laisse tomber Kix à la bonne réponse. Oh ah oui. Allez ouais, première fois de la saison. Merci. Oh allez, je rajoute ce point-là à mes examens pour le meilleur pour la compte pas. En fait, dormir nu, ça piège la chaleur contre la peau parce qu'en fait, la sueur reste sur le corps au lieu d'être absorbée. Donc, un petit pyjama, un petit drap en coton léger, mais ça absorbe la transpiration et ça permet à l'air de circuler. Et donc, du coup, on est plus frais et plus au sec la nuit. Voilà. Okay. Donc, qui dort tout nu ici? Ça va, oui. Non, même comme maître nageur, je ne dors même pas tout nu. Ah. Ouais, je vois Claude qui rigole, je sens bien. Je sens que Claude a peut-être un témoignage à nous donner. Tétiche, moi j'ai beaucoup trop peur de me faire piquer un merguez. Hein. Bon, c'est ça la réponse donc, Maëva. Mais oui, il faut mieux. Voilà. Voilà, sinon, ça n'absorbe pas. Du coton, okay. Je vous conseille du coton. De la soie, tant qu'on y est. Bah, je sais pas si ça absorbe la soie. Et j'ai fait des recherches, mais pas à ce point. Hein. Ouais, bah, c'est super. Bah, écoute, en soie. En soie. En soie. Voilà. Allez, cette vanne vous était offerte par la dernière d'Antoine Libot. Allez, salut. Jadoul en podcast. C'est comme un pare-soleil à ventouse sur une belle voiture de luxe. Ça dénote. Et c'est une faute de goût. Mais ça nous fait bien marrer. Tous les mercredis, Jadoul. Oh. Ah, mais oui, le voilà. Même pour cette dernière, il est là. De retour parmi nous, sur Terre. Enfin, j'espère. C'est Dominique Vegas qui nous a rejoint pour son Vegastral, la séquence voyance de cette émission. Bonsoir Dominique. Bonsoir Jadoul, bonsoir Antoine, bonsoir Maëva, bonsoir Kix, bonsoir Claude, bonsoir Baptiste et bonsoir Félicie. Je suis la star des astres et le désastre des voyants. Quel est... Félicie, c'est le chat, c'est rien à voir. Quel est le signe du jour, Dominique? Par le pouvoir des forces de la nature et le ressenti de mes cartes. Je sens une forte influence du côté des sanitaires, probablement due à une forte consommation de cassoulet. Non, vous êtes sûr que ce n'est pas plutôt les sagittaires plutôt que sanitaires? Ah oui, Jadoul, vous avez probablement raison de penser que ce sont les sagittaires les coupables. Ça doit être eux. C'est vrai. Non, je voulais dire que le signe fort du jour dont vous allez nous parler, c'est les sagittaires et non sanitaires. Oh, ce cheveu sur la langue, tu portes plus. Laissez tomber. Allez, tirez. Vos cartes, bien sûr. Faut les préciser, hein, parce que moi, ça... Oui, ça va. Allez-y, les cartes, les cartes. Aïe. Ouais, oh, vous coupez pas, mais non. Ça me suis tordu l'ongle. Bon, c'est pas grave. En tout cas, quelques contretemps pourraient nuire à la qualité de votre travail. Pourtant, comme toujours, vous n'hésiterez pas à prendre vos responsabilités et à faire face à la situation avec courage et détermination. Une rentrée d'argent imprévue pourrait vous mettre de bonne humeur, même si ce n'est pas une grosse somme. Vente de ZSB, poudre blanche, cannabis... Mathieu Delorme en a fait des frais. Je vous ai raconté la fois où j'ai fariné des pizzas avec Pierre Palmade ? On s'est halluciné, il utilisait une quantité incroyable de farine, je n'ai jamais vu ça. Oh là là, Dominique, sachez qu'ici... Jamais je suis une Pierre Palmade. Le conseil du jour peut-être ? Avec plaisir. Pourquoi ne pas repeindre certains meubles que vous ne supportez plus ? Cela vous coûterait moins cher que d'en sanser. Moi, j'ai déjà fait ça. D'en sanser, les sanser. Le soir, après une grosse journée, vous Non, le sanser. Ah. Vous êtes un petit peu moqueur. Non, mais donc il faut pas changer ces meubles. C'est ça, il faut les repeindre. Moi, j'ai déjà fait quelque chose comme ça avec une vieille table basse en bois. Ah, c'était magnifique, mais toute ma famille ne l'a pas vraiment apprécié. Pourquoi c'était moche ? Qu'est-ce qu'il disait ? Oh, il me disait « Mais tu es fou ! Arrête de repeindre le cercueil de mamie !» Qu'est-ce que je pouvais savoir, moi, que c'était un cercueil et pas une table basse ? Bon, c'est vrai, j'aurais dû m'en rendre compte en voyant la croix d'Azocine au-dessus de cette belle table en scène. Oui, elle qui était si fan. Non, d'Indochine. C'était pas la croix d'Indochine, je pense que ça avait une autre signification. Enfin bon. Ah non, mais oui, c'est pas grave. Ah, autant pour moi. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Allez, merci beaucoup Dominique Vegas, on vous souhaite un bel été, peut-être à bientôt, on vous souhaite du courage. Merci bien, au revoir soleil, bonsoir la lune. Casting pour remplacer Jadoul. Allez-y. Jadoul vous dit bonsoir, le son ne va pas assez fort. Ah, oh, c'est pas terrible. Suivant. Faire du Jadoul, c'est comme faire un bon gâteau. Non, ça ne le fera pas non plus. Désolé. Suivant. Tous les mercredis, Jadoul et sa belle fanfare pour le plaisir des oreilles. Bon, ben, tant pis. On va devoir garder l'original. Jadoul et son équipe. En podcast, tous les mercredis. Ah, l'interview à compléter. Alors, on adore ce rendez-vous. Oui. Mais là, je peux vous dire que c'est incroyable. Au-delà d'incroyable, elle est ici. Avec nous, c'est Régine. Yeah, enfin. Enfin, attendez. Enfin. On la diffuse depuis si longtemps, depuis deux saisons. On a enfin réussi à la voir. Alors, vous vous sentez comment, Régine? Motivée. Eh ben, c'est parfait. Alors, je vous vois incroyable. Venir. Mais Jadoul, comment tu fais pour contacter Régine? Blablabla. Eh bien, elle va vous le dire. C'est un copain. Voilà. Oh, la chance. Eh oui, Régine. Et moi, nous sommes très proches. C'est pour ça que je la diffuse souvent dans l'émission. Je suis fan. On s'entend bien. Bref, on se reconcentre. Régine, vous êtes prête pour votre interview à compléter? Pas du tout. Super. On démarre. J'espère que l'équipe, en tout cas, est prête. On démarre avec Baptiste. Première question à compléter. Alors, moi, j'ai hésité à me faire une décolo aujourd'hui. J'étais chez le coiffeur. Et cheveux blancs platine, je me demandais ce que t'en pensais. Bah, vous savez, le mauvais goût existe partout, hein. Elle est de bons conseils. Merci, Régine. Antoine. Les chaussettes sur les rétroviseurs de bagnole. Bah, vous savez, le mauvais goût existe partout, hein. Maëva. Quand je vois quelqu'un porter des ballerines. Bah, vous savez, le mauvais goût existe partout, et hein. Les mauvaises odeurs. Et moi, c'est une merveille, c'est une compilation entre Antoine et Maëva, c'est les gens qui mettent des chaussettes hautes avec des sandales. Bah, vous savez, le mauvais goût existe partout, hein. Une petite idée, Claude, peut-être, par rapport à cette phrase à compléter. On ne sait jamais, il est en plein dans ses oignons, là, en train de se faire son barbecue. L'idée ? Dis, je cherche les sauces ici. Les sauces sont juste là, ici. Tu peux pas faire une blague sur une sauce de mauvais goût ? Attends. Genre, tu t'as déjà goûté la sauce riche ? Oh, j'allais le dire. Qu'est-ce que c'est affreux, hein. C'est la sauce rose, là. Le mélange entre le ketchup et la mayonnaise, non? Non, c'est pas grave. Non, c'est la cocktail intige. Ah oui, c'est vrai. Revois tes classiques, hein, merde. Désolé, Claude. Merci, Claude. On va plus vous déranger sur cette séquence. On va faire la deuxième manche. On y va, Baptiste. J'ai entendu que t'étais très copine avec Pierre Palmade. Alors, ce dernier road trip. C'était formidable. Ok. Pas mal. Laisse-moi juste. Voilà. Antoine. Bah justement, le jour où j'ai découvert Derek. C'était formidable. Ah bah ça a tracé toute ta vie. Ah oui. Tes après-midi sur France 3. Avec madame. Ah bien sûr. Allez, Maëva. Quand petit, devant un film, tes parents t'oubliaient et te disaient pas d'aller coucher. C'était formidable. D'aller coucher. D'aller dormir. D'aller genre. Oui, oui. L'heure passait et ils voyaient pas que c'était dépassé. Et sur ce, Antoine se déshabille. Il va coucher aussi. On avait compris, Mathieu. On sait jamais. Hein. Si je devais revenir sur mon parcours scolaire. C'était formidable. Meilleur van. Vous aimez bien Régine ? J'adore. Bah voilà. Troisième. Baptiste. Vous êtes surnommée la reine de la nuit. Une explication ? J'ai pas de raison de vous le dire. Ah. Oh bah, sympa ça. Vous voulez vraiment pas dire ? Mais y a pas de raison à dire. Vous me demandez mon avis. Ouais, non, c'est pas grave. Antoine. Le nombre de routeurs que j'ai à la maison. J'ai pas de raison de vous le dire. T'en as combien ? Maeva. T'en as combien ? T'en as combien ? Passons. T'en as combien ? Je suis suivant. Dis-le, dis-le, compte. Oh, 4 ou 5. Pardon ? Allez, vous le trouvez comment ? Motivé. Bah oui. Maeva. Quand on me demande si j'ai des amendes à rouler comme une pédée sur l'autoroute. J'ai pas de raison de vous le dire. Ah, il est très bien. Quand petit, je cachais mes bulletins. J'ai pas de raison de vous le dire. Tu cachais tes bulletins ? Ouais, c'est déjà arrivé. En tout cas, que je trafique un bulletin, c'est déjà arrivé. Enfin, des points, des petits trucs. Pardon ? Oui. Non, Régine. Non, d'accord. Tout se passe bien. Et tu montrais le bulletin et tu disais. Tu oublieras tous ces jours, tous ces temps qui n'appartenaient qu'à nous. Ces réveils au matin, les bras autour de mon cou. Oh, ça fait du bien d'entendre tout ça. On est bien. Maman. Il doit toujours nous balancer un petit maman, ça nous fait plaisir. Dans un instant, dans cette émission, on va avoir le hockey boomer, le FaceTime, on va jouer tous ensemble et puis on démarrera la deuxième heure avec énormément de retard. Si son poing a cassé l'écran tactile du studio, ce n'est pas un excès de colère. C'est la faute de Tix. T'es con ! C'est le lancement du son ! Ah, d'accord, c'est ça que tu veux. Mais non, il fallait faire un geste. Partout en podcast. C'est Jadoul. Tous les mercredis. C'est parti pour faire deviner trois infos, les trois infos brûlantes de cette semaine. Brûlantes. Brûlantes. Wow. Vous êtes prêts ? Brûlantes. C'est pour ça que j'ai enlevé une couche. Hein. Ah une oui, couche. Oui, parce que c'est brûlant. C'est ça. T'as mis la crème solaire ? Merde. Mais dors pas tout nu en cas de canicule. Hein. Oui, c'est en plus, très grave. En plus. Non, mais ça c'est encore une autre info. En fait, je donne beaucoup d'infos, moi, il me semble. Ouh. On dirait. C'est une bonne chose, non ? Oui, bien ouais. sûr. Question numéro 1. Est-ce que vous connaissez un Romain, une Romaine ou une Roma ? Romane, pardon. Bah, une ? Une Romane. Romaine ou Romain ? Kix. Moi, je connais un Roumain, mais je sais pas si ça compte. Jadoul ? Écoute. Moi, je connais les bistrots romains. Non, ça n'ira pas. D'accord. Baptiste ? Ouais, moi, j'ai fait un an d'histoire. Sur la Rome, mais... On s'en fout. D'accord. Bon. D'accord. On voit du Rome aussi, mais c'est ce jeu. J'adoule, il y a Romana aussi, hein. Romana hop de scooter. Ah oui bon. Il y a de bonnes références, Claude, j'aime beaucoup. On l'écoutera sur les coups de 23h. C'est dans la playlist d'Antoine. Et toi, Antoine, tu connais un Romain, Romaine ? Oui, tout à fait. C'est vrai ? Oui. Ah, donc. C'est parfait parce que si vous portez ce prénom, remerciez vos parents car vous pouvez aller gratuitement au parc Astérix à Paris cet été jusqu'au 31 août. C'est sérieux cette histoire ? Mais c'est vrai, le parc permet aux Romains de venir au programme gratuitement. Et toi, vu que tu le connais, c'est le moment de renouer contact parce que les trois amis qui l'accompagnent peuvent avoir 10% de remise sur leur entrée. Et les Gaulois ? Non, c'est Romain, Romaine ou Romaine. Bref. Donc si on connaît un Romain, ça compte pas. Non plus. Non plus. Info suivante, à quoi sert le nouveau bouton sur WhatsApp ? Eh merde, WhatsApp rattrape de nouveau de l'acné. Non plus, Jadoul. Ça envoie un whiz. Ah, j'aimerais trop. Je vais leur écrire, je veux retrouver le bouton whiz. Baptiste ? Alors moi, ça fait 2 mois que je cherche un téléphone. Donc je suis dans une autre dimension. Tu es toujours à côté. Vraiment... STF sans téléphone fixe, c'est ça ? Oui, exactement. Et Antoine, hyper connecté ? Ah oui, moi j'ai la petite idée. Ouais. Bah voilà, il a la réponse. Bah dis-la. Ah, on va pouvoir se créer des événements sur WhatsApp, je crois. Exactement, une fonctionnalité d'organisation d'événements. C'est pour créer en fait un événement dans une conversation de groupe. Il faut appuyer sur le petit trombone, ça permet d'envoyer des pièces jointes. Et c'est là que se trouve le petit bouton événement. Il n'y a plus qu'à créer l'événement, nommer, choisir un nom, un lieu. Et vous pouvez ajouter l'événement au groupe et y inviter tous les membres. Ouais. Moi je comprends pas quand je pousse sur le petit trombone... C'est une espèce de petite pince pour mettre les papiers, pas le... C'est pas le même trombone. C'est pas le même trombone. D'accord. Okay. Dernière info. Info numéro 3. Quelle expression française Eminem a mis dans le nom de son futur album ? T'as le seum. Non, non, il n'a pas fait ça. Une expression française. Française. Fait chier les JO. Mais ça fait chier les JO. Non, une vraie expression. Ça détruit Paris. On va pas pouvoir se baigner dans la Seine. L'argent perdu. Capital perdu. Ça va, non, aller, c'était, ça c'était va pas ça. Et tout ça en anglais. Antoine. L'important, comme les diables rouges, c'est de participer. Vous avez un peu le seum de l'actualité, il me semble. Ah. Baptiste. Macron démission. Ah. Ah. Trop tôt, trop tôt. Pas du tout. Le 12 juillet, ça sortira le nouvel album studio d'Eminem. Le premier single, d'ailleurs, est déjà sorti. C'est Houdini, on l'avait déjà entendu Houdini. Dans l'émission. Voilà, vous vous souvenez. Et bien, le titre complet de l'album, c'est The Death of Slim Shady, donc la mort de Slim Shady, son alter ego. Et le nom de l'album, il a été complété par un petit sous-titre entre parenthèses en français et c'est marqué coup de grâce. Coup de grâce. Coup de grâce. Coup de grâce. Oui, oui, baguette, coup de grâce. Coup de grâce, ya. Waouh. Voilà. Eh bien, merci Eminem. Hein, on redécouvre la langue française avec lui, ça fait toujours plaisir. Voilà. Eminem. Coup de grâce. Eh bien, maintenant, nous écoutons. Je vais faire une dédicace. Oh non. Allez. Alors, la dédicace, c'est pour Daniel et Monique, Francis Jacques et Véronique, Willy et Marie-Josée, Monique de Buzet, Jocelyne de Philippeville, Papy Georges, Jean-Paul, d'accord. Martine, Abrège. Geneviève, Chantal, merci Caroline. Tante Eliane, Viviane de Givet, allez là. Joseph Francine, Fabienne de Silorieux et les personnes qui n'ont jamais de dédicace. Et c'est de la part de Robert et Yves de Wanfersé-Boulay. Merci. Et c'est Jean Schultes, confidence pour confidence. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du festival. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de 3 indices sonores pour chacune de ses personnalités. Eva. Je te jure que c'était... J'ai pas buzzé, je te jure. Ah, c'est pas un buzz. T'as vu la longueur de mes ongles? C'est pas vrai. Tu as ça du malaise, hein. En Claude qui sait pas animer son jeu et qui a des gros doigts boudinés. Aujourd'hui. Les gars, vous écoutez cette émission? Vous avez des casques? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites à l'antenne? Bonne partie et que le meilleur gagne. Tu peux remettre le premier extrait? Mais on n'est pas dans un bar! C'est un jeu! C'est l'heure du festime, à table festime. Mention spéciale pour ce jingle qui a été fait sur mesure de la dernière émission. C'était quand même très drôle. C'est, ouais, faut vraiment. Le dire. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est le rire gras de Maëva. Waouh, machiavélique. Mais c'est un rire honnête, sincère. On dirait un truc de. Tu sais, les trains fantômes. Moi Là, Baptiste. Walibi. On est à la fin du midi, on est d'accord. Avec le fantôme qui sort. Ce soir, c'est Jadoul qui pilote. Oui. Oh oui, ça marche bien. Si tout le monde est prêt, on peut commencer tout de suite ce jeu avec la première personnalité à deviner. Voici le premier indice. En fait, la musique à la base, elle fait marcher les oreilles, ok? Ok. Est-ce que quelqu'un fait marcher ses oreilles ici? Personne? J'essaye, mais pas d'idée. Deuxième indice. Moi, je suis amoureux des voix, c'est l'organe que je n'ai pas, je chante faux comme un jambon. Ah, ça me dit quelque chose. Je chante faux comme un jambon. Je chante faux comme un jambon. Oui, Antoine. André Manoukian. Ah, c'est une très bonne réponse. Mais quoi? Eh oui. Quoi? Bon, bah, ça fait un point pour Antoine. Bravo, Antoine. Félicitations. Merci. Rien n'est perdu pour vous, les amis, parce qu'on commence tout de suite la deuxième manche avec ce premier indice. Ah, le premier match contre le Brésil, j'imagine que c'est un rêve. Il y a un seul précédent dans l'histoire d'une phase finale de Coupe du Monde, c'était en 1950. Donc, vous imaginez. Jadoul. Le magouilleur là. Allez, le magouilleur, oui. Le magouilleur. Magouilleur. Stéphane Powels. Non, c'est une mauvaise réponse. Et je comprends maintenant ta phrase, ok. Personne d'autre? Non. On va sur le deuxième indice? Oui. Deuxième indice alors. Et Courtois qui capte ce ballon. Et là, il y a une possibilité en reconversion avec De Bruyne. Allez, vas-y, Kevin. Je sais. Baptiste. Rodrigo. Benken, ouais, c'est une bonne réponse. C'est qui ça, Rodrigo Benken? C'est le commentateur de l'RTBF. C'est ça. Ah, celui avec un accent mais horrible qu'on entend sur toutes les places de il Belgique. Il fait le vélo aussi, souvent le cyclisme. Bah maintenant, il fait plus que le cyclisme. Il se dirige vers le goal. Il est vers le goal. Il fait le Tour de France en ce moment. C'est le cousin de Claude, je pense. Bon, bah, si Claude devait commenter un match de foot, ça donnerait quoi? Merci Claude. Claude avec les merguez, actuellement, il est en train de. T'as allumé ton micro? Il est en train de coacher ses joueurs. Enfin, mais bon. Radio jour 2. Il a plus de piles. Il est mort. Allez. Il est peut-être encore. Il faut racheter du matériel ici. Rien qui marche. Mais t'as mis ton micro dans les oignons aussi. Bon, ça fait un point pour Baptiste, un point pour Antoine. Yes. Rien n'est perdu. Voici la troisième manche. Donc troisième personnalité à deviner, premier indice. Je viens de mes rêves de gosse. J'ai repris tous les éléments de ce qui me faisait rêver, donc la planète des singes, Michael Jackson, les films de science-fiction, qu'est-ce que c'est que ça ? Des voitures américaines. Ouais, tu l'es. Voilà. On peut dire que tu l'as pris vraiment, hein. Voilà. Tu l'as pris jusqu'au bout, hein. Et jusqu'à je suis même devenu, apporter le visage. Alors, personne ? J'ai laissé jusqu'au bout exprès, hein. Ouais. C'est gentil. Bon, deuxième indice. Je suis DJ, producteur, compositeur. Toujours pas. Ah ! Baptiste, Quentin Oziman. Oula ! Oula ! Je crois qu'on a un petit problème avec la, ton la technique est en train de fondre. Non, mais je vous explique, il y a Claude qui est à la technique. Je pense qu'il est en train de nous. Donc, qu'est-ce que tu fais ? À deux, ça marche ici. Ah, tu m'entends ? Très bien. Dis producteur, c'est moi. J'ai entendu ton sonore ici, c'est moi. Pardon. Oui, c'est vrai. Mais du coup, c'était pas la bonne réponse. Ah ! Donc, on poursuit. On poursuit avec le troisième indice. Maëva. Henri PFR ? Non. Ah non, c'est une mauvaise réponse. Moi j'ai un bonus. Ça c'est Kid Noise. Pardon, hop là, ah ah. Jadoul. Kid Noise ? C'est la bonne réponse. Merci. On en est où là ? On a 3-1. 3-1 de quoi ? 1 pour toi, 1 pour Baptiste et 1 pour Antoine. Ah oui, d'accord. Et moi je suis là. Maëva pour l'instant est présente, mais elle va peut-être se battre maintenant. Ouais, la musique qui continue. Bon, quatrième personnalité à deviner, voici le premier indice. Yes. Alors non, c'était pas Claude. J'ai buzzé. Oui. Chatoul. Je sais qui c'est l'animateur du Juste Prix. Sur M6. Il s'appelle. Alors ? C'est avec un J, non ? Oui, Eric Antoine, c'est avec un J. Bravo, c'est la bonne réponse. Et c'est Jadoul qui remporte. Ce soir, c'est Jadoul qui pilote. Voilà, je me suis fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être là. Tu vas bien, Jadoul ? Bah écoute, mieux maintenant. Ah, tant mieux. Cette musique m'a donné chaud, pas vous, les garçons ? Ça va, non. Ça va. Le tempo était assez haut, quoi. C'est... Moi, j'ai les tétons qui pointent de nouveau. Donc. Oh, dut. Dut. Bah, Mathis a un problème avec ses tétons. Et ce n'est pas le seul dans l'équipe. un petit problème. Et tu, ça dépend si t'as des allergies ou pas. Hein. Moi, j'ai des rougeurs aux tétons. C'est très malaisant. J'ai le téton gauche qui pique. Voilà. Ah, d'un coup. Vous voulez savoir ? Jadoul, tu m'as donné la parole. Je t'explique tout. Hein. Je non, t'ai ça va. C'est un chorizo ? Je coupe le micro. Voilà. Merci. Bon. Allez-y, faites le travail. Ça m'a donné un peu moins chaud, cette histoire. Bon, bah du coup, on va peut-être commencer la deuxième heure. Tous les mercredis, c'est la trappe. Une bonne journée à tous les auditeurs, auditrices, animateurs, animatrices. Profitez bien du soleil et de la vie et encore longtemps parmi nous. Let's go. Tu ne seras pas déçu du voyage. Tous les mercredis. mercredi, Jadoul et son équipe, partout en podcast. Découvrez leurs histoires. Quel plaisir de vous accompagner. C'est la dernière de la saison, c'est la dernière, on va se quitter après. Mais alors, on a envie de fêter ça comme il se doit. On a plein de surprises pour vous. Dans un instant, Radio Falminoul sera là. Ouais, on va rejouer au Maillon Flemme. Ouais, ouais. Ce sera aussi le retour de Claude. Ouais. Il va se passer plein de choses dans cette émission. On aura aussi notre certifié, le retour de beaucoup de personnes qu'on aime beaucoup. Ouais, avant ça... Non, non, ça va. Voici les infos qu'il fallait louper ces 7 derniers jours. Premier flop, c'est Elon Musk. Ah. Pour changer. Oh, il a évoqué sa vision de l'avenir. Ok. Je cite. « Je pense que tous les emplois deviendront facultatifs. » Si vous voulez effectuer un travail, vous pourrez l'effectuer comme loisir. Mais l'IA et les robots vous apportent tous les biens et les services que vous désirez. L'IA remplacera probablement tous nos emplois. Ah oh bah c'est pas très gay tout ça. Ouais, non, ah non, ça fait flipper. Là je... C'était quand même mieux quand ils préparaient des petits parfums, là, tu vois. Les... Et des fusées. Et des fusées aussi. Et les maîtres nageurs, ils vont faire comment? Des voitures. Bah remplacer hein, par des drones, des maîtres nageurs. Ah bah des sous-marins. Les forains qui font des burgers vont être remplacés par des forains IA. Est-ce qu'on lui a déjà dit que l'électronique et Luke, ça allait pas super bien ensemble? Oh si, t'inquiète pas, Elon Musk il saura gérer. Enfin, lors du contrôle de la prostate. Ah, je préfère qu'un humain prévienne de ce qui va se passer. Et puis bon, à quoi bon la vie sans travail? Que faire? Au forum, imaginez. Bonjour, j'aimerais bien trouver un travail. Réponse. Non mais j'aimerais vraiment bien trouver un travail. Bon d'accord, ok, c'est pas grave. Deuxième flop, en Australie, elle s'appelle Madison, c'est un petit nom d'emprunt. Elle a refusé d'assister au mariage de son frère, oh, qui est complètement furieux à cause de cette décision. Ah bah oui, bah, ça mais se comprend. Qu'est-ce qui a poussé sa sœur à refuser cette invitation? Bah je sais pas, peut-être qu'elle voulait pas voir sa belle-sœur. Ça se dit ça? Il l'a pas pris en témoin ou en demoiselle d'honneur ou un truc ainsi? Ah oui, peut-être en raison d'un truc en particulier. En réalité, c'était un mariage nudiste. Ah, ah. Elle a déclaré « Je suis gênée d'être nue devant une foule d'étrangers. On m'a demandé d'être mademoiselle d'honneur en plus. » Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Et surtout que Madison n'a pas été entretenir sa beauté intime depuis un long moment. Et quand elle a pris rendez-vous pour être présentable, l'esthéticienne lui aurait apparemment lâché. Non mais je veux juste faire le maillot. Mais vous êtes fou. Oh oui. Mais vous êtes fou. Troisième et dernier flop, c'est une jeune indonésienne de 23 ans qui s'est mise en arrêt de travail, voilà, pour cause de maladie, comme beaucoup de jeunes. Ah oui. Qui débarquent sur le marché de l'emploi. Elle s'appelle Grace. Elle voulait partir en vacances en réalité. En Grace? Non. Ah ok. Bravo. Mais au moment de prendre l'avion, elle a eu la surprise de croiser son patron. Ah. Ah. Qui lui aussi se trouve à l'aéroport. Ah, ça, bonjour. Ça fait mal. Ouais. Parce que son patron est à l'aéroport avec sa maîtresse, donc ils se couvrent mutuellement. Et pas de problème, elle n'a aucun souci au travail. Non, non, je déconne, en fait, le patron était droit dans ses bottes et il a juste gaulé la meuf. Et oui, à ce moment-là, on peut se dire que... La vie ne fait pas de cadeaux. Après, elle s'est dit, à quoi bon retourner au travail? Allons en vacances. Car elle préfère crever. Une belle soirée. Une équipe bourrée de talents. De talents visuels. Wow. Mais comme ici c'est de la radio, c'est pas pratique. Mais enfin, c'est promis, ils vont faire de leur mieux à l'oral. C'est Jadoul. Partout en podcast. Tous les mercredis. Il y a quelque chose qui m'impressionne très fort chez Antoine Libotte. Qui a la bouche pleine parce qu'il mange des burgers. Comme toute l'équipe, hein, mais bon. Profiteur. Il connaît par cœur le jingle de Radio Falminoul. C'est impressionnant. C'est quelque chose. Vraiment, c'est avoir une fois dans une vie. Par exemple, ça démarre. Ah mais il faut mettre le petit tapis là, le boum. Au cœur d'un paisible. Bah, petit village de Wallonie, chaque jour, René à l'animation et Guy à la sono. Là, on voit le spritz qui fait. Ouais, non. La bière, avec Maëva, modération. Oui. On a un petit message. Ah. Eh bien, pour la dernière émission de Jadoul, c'est aujourd'hui. Ah, oui, bien sûr. Ils ont enfin fini la saison, ces guignols. Ah bon? Et Maëva n'a pas changé, au contraire, elle s'est sublimée. Non, ne ris pas, sinon elle va encore se vexer. Ah oui, oui, oui. Et le petit serpent à lunettes, là. Ah oui, là, on peut rigoler, hein, avec cette tête de zèbre. Ah, quel con. Alors que nous, on a toujours eu de la dignité toute cette saison. On vous embrasse bien fort. Merci, on vous embrasse aussi les copains de Radio Falminioul, on vous prête l'antenne. On vous embrase, il a dit. Embrase, oui, c'est vrai que c'est l'accent local. Bah va, je te laisse lancer le dernier Falminioul de la saison. Oh. Oui, mais il y a un peu d'émotion quand même. Ah, tu t'es quand même attaché? Un petit peu, c'est, on a beau faire. Mais c'est les deux petits vieux, les plus vieux, je pense, de la bande FM. Ils font ça depuis des années, ils sont pas vraiment pros, mais voilà, c'est Radio Falminioul, et c'est tout de suite. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils ont fait l'agenda des événements locaux. Guy, t'es prêt? Pourquoi? Eh bien, on doit dire la phrase que nous avons répétée ensemble. Ah oui, bien sûr. Allons-y. 3, 4. Et voici les événements locaux. Locaux. Bon. Ligny. Qui? Oh. Ah bon? Ah bah voilà, ah Guy, bon sang. Non mais on a mis une demi-heure à répéter cette introduction. Désolé. Allez, on démarre. Du lundi au vendredi, kermesse sur la place de l'église. Tire la carabine et lance cette fléchette. Et pour les plus petits, une pêche au canard. Non. Canard. Non. Ah si. Vendredi encore, brocante et vide-grenière. Grenier et vente d'objets anciens. Plus rappeler l'organisateur pour demander quoi dire de plus à l'antenne 0494 71 30 21. Non, non, chut. Là, c'était une note à moi-même, Guy. Non, fallait pas le dire. Ah non, ça c'est mes racines, attends. Et pour terminer cet agenda des événements locaux, ce week-end, il y a une très grande fête, n'est-ce pas, Guy? Ah que oui! Mais je ne suis pas sûr que je peux le dire à l'antenne. Bah, bien sûr que tu peux le dire à l'antenne, Guy. Allez, c'est ce week-end, écoutez! Vas-y! D'accord. Mais ce n'est pas ma responsabilité. Trouille-toi! Oui, ça va, ça va. Ce week-end, venez profiter de la quéquette de Falminioul. Tu trouves un comique à ton âge? Je savais bien que ça ne passerait pas. J'ai noté Gaglec. Oh putain. Oui, mais excuse-moi. Gaguette. Excuse-moi si je ne sais pas lire ton écriture de Toubib. De quoi? Tub quoi? C'est quoi ça? Ah, tu veux dire un médecin Toubib? Un médecin? Oui. Arrête d'embrouiller les auditeurs, sinon tu vas finir chez ton médecin, ton tebeb, tebib. Chers auditeurs. Ah ben alors voilà la clé de la cave. Ah ouais, elle était là. Je n'irai pas le rechercher là-dedans, hein, tu te débrouilles. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que nous vous attendons nombreux à la guinguette de Radio Falminioul ce week-end. C'est seulement 8 euros l'entrée. C'est pas vrai. Sur le papier, tu as noté 5 euros. Guy, allez, dépose la fiche sur la table. Mets tes doigts en avant. Voilà. Ah! Eh bien, ça fait... Mais arrête de recommencer! Allez, voilà, vous avez maintenant votre dose d'informations. Vous savez tous les événements qui se passent dans le charmant village de Radio Falminioul du 10 juin au... Guy, c'était celui de la semaine dernière. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. À bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Le personnel médical qui encadre les gens de cette émission vous informe que l'état des patients n'a pas évolué. Les médecins démissionnent. Non, on veut pas. Ces fous sont libérés 2 heures en podcast. Ça n'est pas acceptable. Jadoul et son équipe. Les gens se jettent dessus. Tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans le Maillon Flemme. Ces candidats sont avec nous ce soir pour tenter de remporter le droit de quitter ce studio et une soirée séduction en tête-à-tête avec notre Claude National. Un moment privilégié, unique, que l'on vous offre ici. Voici les candidats de ce soir. Bonsoir, je m'appelle Kix et j'ai les mains qui collent. Bonsoir, je m'appelle Antoine et j'adore les grosses antennes. Bonsoir, je m'appelle Baptiste et on me surnomme l'unijambiste. Bonsoir, je m'appelle Maëva et je conduis comme personne. Jouons tout de suite au maillon flemme. Kix, en géométrie, combien de côtés possède un losange? Alors là, j'en sais rien, je sais pas compter. Correct. Antoine, de quoi parle-t-on quand on évoque la... De quoi parle-t-on quand on évoque la robe d'un cheval? Pas sa tête. Correct. Baptiste, quel chanteur a longtemps formé un duo avec Garfunkel? Pas Régine, en tout cas. Correct. Maëva, quel est le père de la fille de Vincent Cassel? Bah, Vincent Cassel. Ah bah voilà, perdu. Perdu, voilà, c'est la bonne réponse. Maëva, vous êtes le maillon faible. Non. Vous remportez donc une magnifique soirée de séduction avec Claude pour une belle aventure à deux ce soir. Vous finirez au café, je pense, des bons enfants, si je n'ai pas dit de bêtises. C'est pas obligé, enfin je... Ah si, mais Claude est déjà prêt, là. Non, Claude vous attendra à la fin de l'émission. Il a dit qu'il avait beaucoup de travail. Trop tard, tu as gagné. Claude, vous nous entendez? Vous avez entendu quelle est la gagnante? Non, il est débordé, il peut pas. C'est ça, mais... Merde, il peut pas. Il est toujours... Il a perdu son... Claude, attrapez ce micro que je ne saurais voir. Lui non plus, il a pas envie. J'avais perdu mon micro ici. Et c'est un métier, la radio. Hein, c'est pour ça que vous êtes notre producteur. Claude... Appuyez sur le bouton, Claude. Non, pas celui-là, l'autre. Mais je suis en train de manger, moi, ici. Hein. Vous avez entendu la bonne nouvelle? Ouais, écoute, je suis en train de négocier une table avec les bons enfants. Ok, merci. On va avoir droit à une petite bouteille, je crois. Mais on n'arrivera pas à le faire, ce repas de famille. Mais donnez-moi du vin rouge. Maëva. La carapace, ça te va, Maëva? J'aime mieux un petit Riesling ou un petit Crémant. Ouais, mais ça, ils n'ont pas là-bas. Ah, bon, ben... Vous souhaitez une belle soirée? Et la belle soirée, hein. Merci. Je vous propose qu'on passe à la suite, si on faisait le certifier. Oui. Allez. Oui. Tous les mercredis, c'est avec un bon morceau de gâteau. Et c'est avec Jadoul. En podcast. Eh bien voilà, merci Simone. On ne pouvait pas terminer cette saison sans prendre des nouvelles de notre mascotte. Vous allez le reconnaître à la voix. Bonjour les followers. J'espère que vous allez bien. Ah. Je sais, vous allez encore me dire, comme un peu tous les jours, oui, mange tôt. Mais moi, je vous préviens, je mange quand j'ai faim. Il mange quand il a faim. De la soupe c'est au poireau. Alain de Troyes. C'est ouais. Alain de Troyes. Bim. Celui qui voilà, fait que c'est bon. Tout lui à fait, ouais. Exactement, c'est lui. Eh ben, écoute, on a de ses nouvelles. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Voilà. On mange quoi, Alain de Troyes, aujourd'hui? Aujourd'hui, je me suis préparé pour manger des pommes de terre isolées. Ah. Ça, c'est le reste de pommes de terre d'hier. Je les ai réchauffées au beurre. Ah. Un poil, que c'est bon ça, wesh. Souvenez-vous, Alain de Troyes, il se filme 2 fois par jour et il montre à ses abonnés TikTok ce qu'il mange. Que ça va être bon. Que c'est bon ça, des pommes de terre isolées. Avec. Que ça va être bon. Que c'est bon ça. Oui, avec. Un morceau de saucisse, cuit au beurre aussi. Avec du poivre. Oui, toujours du beurre. Hein. Ça va être bon. C'est bon. Je mets de la pita. Et un peu de mayo. Un peu de mayonnaise. Que c'est bon ça. Que c'est bon. Ouais, et qu'est-ce qu'on y rajoute? Comme légumes, une bonne salade. Ah. Fait maison. Bien. Avec tomates, oignons rouges, des râpes découpées en petits morceaux et des concombres. Ça, les poivres, bien sûr. Que ça va être bon, ça. Que ça va être bon, tout oui, ça. Ça va être bon, que oui. Ça va être bon. Ouais, un dernier ajout. Une purée de poireaux. Non. une soupe. Non, mais là, c'est une purée de poireaux, de maintenant. L'huile de vidange. Non, on va s'arrêter là. Et la crème fraîche. Non. Ça va être bon, ça. Oh, que c'est super bon. Que ça va être bon. Et léger. Fait maison, comme ça. Oh, stop. Je vais mettre un peu de sauce piquante. Aïe. Comme dessert, pâturette. Vanille, chocolat. Que c'est bon, c'est ça. Que c'est bon. Et pour bien digérer, une bonne limonade. Super bon. On lui souhaite une bonne soirée, Alain, 2-3. Bah, oui, bonne soirée. Oui, bonne digestion. Bon appétit. Oui, ouais. L'actu connecté. Et les dernières tendances. C'est avec Jadoul. En podcast. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bon, maintenant que vous nous faites des infidélités dans d'autres émissions, vous pouvez quand même nous réserver un petit sujet pour aujourd'hui. Mais enfin, quelle jalousie. Quelle jalousie. Ah, c'est pas grave. Voilà, on façonne cette bonne femme et... Mais du coup, je suis là aussi le mercredi, encore. Nous ne sommes pas au courant de tout, donc ici, d'accord. Mais je fais une petite chronique pour une copine. Oui, ça va, ça va. Ah, okay. On ne va pas lui faire de la pub, non plus. Pour Caroline. Mais c'est bien, on ne va pas lui faire de la pub, j'ai dit. Mais si, je suis dedans, et en plus, elle est géniale. Je m'en fous. Bref, je vais vous parler Elle ne sait même pas comment s'appelle l'émission, elle ne sait même pas quand l'émission se termine, donc voilà. Allez, on parle de quoi? De Claude. Ah, enfin, on parle un peu de moi ici. Mais je comprends rien. Non, pas de vous, Claude. On va parler de l'assistant virtuel. C'est une petite start-up anthropique, pardon, qu'il a créée. C'est une intelligence artificielle qui fonctionne un peu comme ChatGPT. Tout le monde connaît ChatGPT. Oui. Et on peut lui poser n'importe quelle question, il répondra. Et dis-moi, si je peux faire ton assistant, hein, je peux répondre à toutes tes questions. Hein. Mais d'accord, mais lui, il maîtrise déjà une trentaine de langues, dont le français impeccablement. C'est pas le cas de tout le monde. Et il est chez nous depuis l'année dernière. Et en plus, il connaît absolument tous les sujets. Il y a la programmation informatique, l'histoire médiévale, en passant par les dernières tendances mode. Oui, moi aussi, je suis chez vous depuis l'année dernière, hein. Oui, je sais faire ça. Vous cherchez un emploi, surtout depuis le départ. Oui, c'est vrai. Et Claude est notre producteur maintenant depuis 3 mois, comme ça vous le savez si vous nous rejoignez. Et ton intelligence artificielle, elle sait faire les merguez? Non. Elle sait faire les burgers? Non, ça c'est vrai. Voilà, vous avez un avantage sur l'intelligence artificielle. Il me semblait bien. Il n'y a pas que ça. Quoi d'autre? Il a tout un folklore. Ouais. Un grain de voix. Ouais. Oui, d'accord, mais... Dites-vous, mettez mal à l'aise, hein, les amis. Oui, pardon, on vous fait des compliments, pour une fois, ça change. Hein. Mais du coup, il y a aussi, pour l'intelligence artificielle, hein, pas pour Claude, le producteur, il y a une version premium, et c'est pour une vingtaine d'euros par mois, mais on a accès à un mode créatif ultra boosté, écriture, oh là là. Ouais, c'est la dernière, lâchez la rampe. Écriture, code, business plan, enfin, on peut tout faire en un éclair, en gros, c'est de la qualité. Et si on le compare à ChatGPT, il écrase en fait au niveau richesse et contenu, justesse du raisonnement. Voilà. Ouais, Claude écrase la concurrence. Ouais. Il est un peu plus cher, mais ça vaut le... Mais il est fort, ce Claude. Hein. Ah bah, ça, la concurrence, il connaît. Bon, après, ça reste une IA, quoi. Il n'y aura pas un véritable compagnon, mais bon. Un compagnon, non. Aux bons enfants? De quoi? Un compagnon qui sortira avec toi ce soir? Ah non. Non, mais je ne vais pas s'en sortir avec une intelligence artificielle, malheureusement. Mais on peut la tester. Oui, bah oui, bien sûr. Alors? Dis, est-ce qu'on pourrait demander à quelle radio concurrente Maëva travaille? Non. Sûr que j'ai l'information. Parce que moi, ça m'intéresse. C'est dans la même radio, mais de manière plus assumée. Donc, et sans m'en avoir parlé. Mais j'ai... C'est pas grave. T'es obligé de me faire une crise de jalousie? Oui, bien sûr. Mais ton internet ne fonctionne plus. Et déjà, parce que quelqu'un... C'est vrai, je te jure, regardez. Ah, mais c'est bancal jusqu'au bout. C'est cassé. Mais oui, mais j'en peux rien, moi. Ah, ça y est. Du barbecue au démarrage de l'émission en passant par Claude, il n'y a rien qui va aller droit aujourd'hui. Tu vois, encore un point positif pour le vrai Claude. Ah là, c'est ça. Il n'a pas besoin d'internet, c'est ça? Claude, il est fiable. Il perd son micro, mais il est fiable. Dites votre intelligence artificielle, elle ne peut pas écrire des émissions à votre place. Pourquoi? Vous êtes le producteur. Ça me coûterait quand même un petit peu moins cher. Parce que vous nous payez? Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Oui, on va passer à autre chose. Bon, Maëva, ça marche pas ton test? Hein. Bah non. Ah, c'est super. Allez, voilà. Marche pas? Mais pourquoi? Non. Allez, c'est super. Moi, je trouve que vous faites une belle émission. Mais Claude, est-ce que tu pourras payer la facture internet, s'il te plaît? Écoute, il n'y a plus un copec ici, moi. Tout est passé dans les pains bagnats. Merci infiniment, Claude. Bon, merci pour le Claudia. Donc, c'est une intelligence artificielle à retrouver sur les internets, c'est ça? Oui, à tester. Et à retrouver dans le cloud, du coup. Oh! Attention! Le Claude! Oh le Claude! La musique me prend parfois. Ça, on l'écoute dans un instant. C'est mon maximum de pour ce soir. Merci. 21h54, tu fais pas dodo. Non. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ouais. Merci Claude, on vous retrouve dans un instant. Merci Maëva, on te retrouve ailleurs. Et Mais arrête. Mais t'es pire qu'un ex jaloux, c'est y a horrible. Y'a pas un Baptiste IA? Un bateau IA? Un bateau IA. Mais dès que je trouve une nouvelle intelligence artificielle, je allez, t'en parle. C'est bon, Maëva. Il y a des pissenlits, cueille pas autre chose, hein. Jadoul, jadoul, jadoul. Mais tu chantes bien, Luce, quand tu t'y mets. Oui, hein, quand j'ai ma voix qui revient, pas de souci. Ouais. Et dans cette émission, il y a encore plein de surprises. On va encore avoir d'ici quelques minutes aussi le jeu de la chanson. Vous l'aimez beaucoup. Il y aura des devinettes. Je sais pas qui on va faire jouer. Baptiste, tu te sens chaud de jouer, toi? Le jeu de la chanson? Ouais. C'est quoi déjà? Je me rappelle plus. Il faut, faut si répondre à des devinettes, mais très vite, en chanson. Eh bien, essayons. Hein? Soyons fous. Il a l'air motivé. Je laisse ma place. C'est vrai? Il y a là, comme on dit. Ok. Bah, parce que ça va se passer dans quelques instants. Et il y aura aussi. Oh. Mais il est de retour. Allô, mes clous, tiens. Oui, en français, c'est compliqué, oui. Oui. D'accord. Alors, monsieur. Oui, merci, monsieur le directeur. Oui, c'est bon. Oui, ok. Bonne soirée. Au revoir. Voilà, donc c'est Claude hein, de nouveau, encore au téléphone avec nous à l'antenne. Hein, il n'a pas compris que faire de l'antenne et couper son téléphone, ça ne fonctionne pas de pair. Ouais. Comme boire ou conduire. C'est ça, voilà. Lui il fait tout en même temps et c'est un peu le problème de sa vie. Hein, Claude, c'est notre producteur. Claude, c'est des ordres de là-haut je suppose. Mais t'as tout compris toi, t'es un malin, t'es un petit rigolo. Tu sais aussi boire, dépenser ton argent dans n'importe quoi et répondre au téléphone tout en faisant pas grand-chose, tiche. Non, ça c'est votre spécialité. Eh ben alors tu peux devenir producteur, mais il te manque un peu la bedaine, tu vois quand tu frottes. Allez, frotte un peu ton ventre comme ça. Voilà, ça c'est la bedaine de producteur. Vous avez un t-shirt plein de taches, il date de quand votre t-shirt? Allez, mais dis, écoute, tu veux manger ou pas? Oui, c'est vrai. Et alors, et ce coup de fil, c'était la direction d'antenne? Eh, t'as foutu un de ces bordels là en haut, ils sont sur les nerfs, hein, tiche? Tu vois ta séquence que t'as volé Ardisson là? Le, allez, comment tu fais ton blind test là? Enfin, non. L'émission, c'est plus possible, hein, ça. C'est pas un blind test. On a rien volé. Puis en radio, on n'invente pas la roue. On joue juste avec des TikTokers pour retrouver les chansons originales. Ça s'appelle le blindlet. On y joue dans 3 minutes. C'est les covers qui viennent d'internet. Eh ben, c'est plus possible. On a reçu des plaintes ici. Oh non. Enfin, avec de qui? Ben, ne m'agresse pas, je te dis, c'est de là-haut, hein, ça vient. Oui. Moi, j'y peux rien, je suis le messager de la direction, hein. Ah, j'ai ouais. des obligations, moi, ici, hein, Jadoul. Bien sûr, oui. Vous êtes, pour rappel, censé être notre producteur. Votre rôle, c'est médiateur, vous devez défendre, pas m'acharner comme ça. Ah, oui, bon, d'accord, mais je te dis, moi, je te le problème, ça vient des TikTokers. Oui. Ils sont pas contents, ça gueule, je n'en peux plus, je suis sous pression, moi, ici. Sous pression, carrément. Ah, oui. Et genre, est-ce que ça. Attends, j'attends. On vous a dit en silencieux, Claude. Moi, j'ai des messages ici, je reçois des MMS tout le temps. Tu sais, les gens, maintenant, ils peuvent envoyer des morceaux de voix comme ça. Ils t'envoient des trucs, c'est insupportable. Attends, comment je peux te faire écouter ça? Attends, je vais le mettre dans le micro. Lui, c'est Johan. Attends, j'ai pas mes lunettes. Le Bredonchel. Écoute bien. Bonjour à tous. Depuis le début de ma chaîne, j'essaye de faire des vidéos originales, de plusieurs versions même, plusieurs fois, voix féminine. Et peut-être que ma voix est peut-être un peu plus aiguë et que ça insupporte certaines oreilles. Mais t'as vu dans quel état tu l'as mis, le pauvre monsieur? T'as vu dans quel état tu l'as mis, ce chanteur? Ça me coupe le sifflet. Donc voilà, je ne m'arrêterai pas chanter jusqu'à ma mort. Et je me perfectionnerai un peu. Et peut-être si je chante encore mal, je continuerai. Voilà, il y a l'espoir. Voilà, tu connais la suite. Ok. Voilà, c'est malin. Et à cause de ta séquence, cet artiste, il est complètement anéanti, hein, Jadoul. Claude, je pense que vous comprenez pas, c'est un TikToker, c'est pas Madonna là qu'on a harcelé. C'est pas Michael. On l'a pas harcelé d'ailleurs. C'est pas Michael Jackson ici. Non, non plus. C'est juste un anonyme qui poste des covers comme une centaine de gens qu'on a diffusé cette saison. Ah, c'est pour la gloire ton truc. Non. En tout cas, c'est pas grave. Je pense qu'il y a des gens réellement méchants qui font beaucoup plus de mal que nous en commentaire sur ce réseau social. Nous, on fait un jeu bon enfant à la radio. C'est les bons enfants ici. Attends, et lui alors, Nicolas? Attends, j'ai pas mes lunettes. DHLMNN08. Tiens, écoute. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je lâche la musique. Est-ce que d'un seul coup, je fais clac et je supprime mon TikTok? Eh ben lui, et quoi, il se remet en question et... Et c'est peut-être à cause de toi, hein? Est-ce que je vais vous manquer? Ouais, je pense que je vais vous manquer à beaucoup de monde. Mais imaginons que tout s'éteint. Hop, d'un coup, j'ai lâché la musique, j'abandonne. Voilà. Qu'est-ce qui se passerait? Ce serait la fin du monde. La fin du monde, c'est ça que tu veux, Jadoul? Bah bravo, franchement, ça c'est du bon travail. On se calme, vous êtes censé nous défendre, producteur Claude. Et au passage, je mets un chapeau maintenant, parce que vu qu'il y en a beaucoup qui s'amusent à dire sur ma calvitie, j'en ai un peu ras-le-bol, du coup je mets un chapeau. Vous voyez, c'est des commentaires, ça vient des commentaires, faut arrêter de nous... Hein, Claude, c'est bon? Écoute, il faut que tu fasses un effort, je pense. Ok, on va faire un effort. On va faire un réel effort, mais en fin d'émission, d'accord? Allez, ça va. On va démarrer notre blindclette comme d'habitude et si vous voulez, vous pouvez même jouer, d'accord Claude? Eh, ça je veux bien, j'aime encore bien ça. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. Waouh. Elle a éclaté. J'ai atteint une nouvelle note. Baptiste qui était timide sur le Music Machine, hein. Ouais. On le referait presque chanter solo. Oui, hein. vas-y. Je pense pas que j'arrive avec cette voix, une voix aussi. Eh ben, il faut tenter. Allez. Tu veux le réessayer? Oui, je veux bien. Allez, mets ton casque peut-être pour rentrer. A cappella. The Music Machine. Music Machine. Music Machine. Zik Machine. Music Machine. Il y a des notes que je n'attends même plus. C'est wow. Bientôt, il aura les pieds sur la console. Il est très à l'aise. Bien à l'aise. Il commence à monter sur ma chaise. Deux émissions, il est très à l'aise. Kix est là pour jouer. Oui. Maëva. Yes. Elle va encore gagner. Yes. Antoine. Machin. Truc. Chose. Bernard. Le sextoy en bateau. Non, le bateau. Le bateau. Le Baptiste. Oh. Allez. Énorme. Je vous propose qu'on accueille l'huissier de justice ce soir. On ne maîtrise pas. Maîtrise pas. Je suis l'huissier du choix. Pour un petit Jadoul. Toute son équipe. On maîtrise pas, maîtrise pas. La la la la la la. Je suis votre huissier et vous allez m'aimer toute la vie. Bonsoir, maîtrise pas, ça fait longtemps. Bonsoir. Oh, j'ai vu vous avez mis beaucoup de boissons, hein. Ah oui, ça, on a mis le paquet normalement. J'ai fait un petit tour. C'est très très très bien. Ah merci. Allez, les points, ça vous savez compter. J'ai combien de doigts? Non, pas 6. 16. C'est ça, exactement, voilà, sur une main. C'est parfait. Vous allez compter les points de ce soir? Si. Allez, c'est parfait. On démarre, voici la première manche. Tout le monde est chaud? Oui, oui. Still loving you, Scorpion. Vous l'aviez, Claude, celle-là? Claude! On se réveille! Claude est à côté de la plaque. Claude n'en peut plus. Non mais je pense qu'il est réellement sourd. Comme c'est la plaque de cuisson en fait. Écoute, Tiche, moi j'écoute la musique, je l'apprécie ici. Ah oui, pardon, d'accord, ok. Bon, la version TikTok est sympa aussi, hein. Il y a plus d'assurance. Ouais, ouais. Je trouve que c'est Johan, hein, qu'on a entendu se plaindre tout à l'heure auprès de Claude, qui a vraiment un grain de voix. Hein. Très bon. Direction la deuxième manche, attention tout le monde se concentre, je pense que ça va aller très vite. Girl, j'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux. Louane. Non. Même voir. Merde. Non, Tal. Oui. Le sens de la vie. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé. Waouh, ça fait très longtemps ça. Hein. Que wow. Je m'aime. Merci, merci, merci la chorale. On va laisser faire Eon. Je ne plus jamais peur, j'ai trouvé le sens. Il tient un truc, hein. Il est complètement bourré. Allez, on va lui demander de nous faire un petit bisou. Oui, oui, hein. Oui. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. Kisses, everybody. I wish you a good day. Oh. Bye. On maîtrise pas, maîtrise pas. Où en sommes-nous? On maîtrise pas au niveau des points, s'il vous plaît. Ça fait un point pour Antoine et deux points pour Maëva. Bah voilà. Et six points pour Claude, hein, Lynch. Ne m'oubliez pas. Hein. C'est pas parce que vous êtes producteur que vous avez plus de points. Hein. J'ai droit à mon pourcentage sur tes points. 10%, 30%, vous prenez combien? Tu m'en mets 6, ça me convient. Allez, parfait. Bateuil. Oui, bah on s'accroche comme on peut. Hein. Allez. Kix? Oui, t'es là? je suis là. Je regarde s'il n'y a pas de triche, moi. Ah, il a commencé ton blind test, en fait. Mais oui, il faut y aller. Ah oui, ok, d'accord. Oh, on y va, troisième manche. C'est pendant la guerre civile. Indochine, oui. Au champ des cygnes. Le champ des cygnes. C'est la toute nouvelle, ça fait 3 semaines que je vous bassine avec ce hit. Mais oui, je l'ai écouté une fois, c'était pas... Ouais, ça va. Voilà. C'est très bien, surtout la version de Nicolas. Les salauds, les héroïnes, des guerrières, des orphelines, bravo. Ça ne les regarde pas, voilà. Je n'aurais besoin de personne, mais sauf de toi. Oh pardon, ça m'a échappé. On y va? Oui. Avant-dernière manche. Ah. Un grand copain à nous, habitué de cette saison. À m'asseoir sur un banc. Renaud. C'est Renaud, oui. Avec toi et regarder les gens. Il sera le gagnant. Qui... Ah. Marcher sous la pluie. Il sera le gagnant. Lutte avec toi. Et 3 secondes de retard, je crois. Tant qu'il y en a. Mais enfin, Claude, c'est votre répertoire. Vous devriez au moins marquer un point. Mais tu sais que le premier, c'était le vrai Renaud, hein. C'était le vrai Renault maintenant. Vous, Claude, est-ce que vous n'êtes pas plutôt Peugeot ou Citroën que Renault? Oh ouais, exactement, Tiche. Ouais, ça va. Allez, tu sais, un producteur, ça roule dans une bonne grosse Peugeot. Rouge, avec des de bazar de tuning derrière. Des grosses flammes. Je vais te montrer mes baffles et mes lumières, tu vas être impressionné. 150 watts. Il y en a dans tous les sens. Merci pour la démonstration, Claude. Allez, on écoute Renaud. Daddy Miles, pardon. Renaud Miles. Il est Mistral gagnant. Il est Mistral gagnant. Waouh. Et je trouve qu'il a un grain de voix. Et hein. Entendre ton sourire, comme on entend la mer s'arrêter et repartir. C'est Johnny Cadillac. Renaud Cadillac. Oh, c'est fort. Oh. Maîtrise pas, maîtrise pas. On en est où, maîtrise pas? Posez cette bière. Mathis, t'es en haut de son siège avec 0 points. Ouais. Ouais. Suivi de près par Maëva et Kix avec 2 points. Chacun? Si. Waouh. Et Antoine avec 3 points. Il reste encore une manche. Ah, ouais. Autant pour moi. La finale, voici, on écoute. Voilà. Jean-Louis Aubert, voilà, ouais, c'est fini. Waouh. 2 secondes, quoi. Jean-Louis Aubert? Oui, le téléphone. Groupe téléphone, ouais. Mais là, il était solo. Il était sans téléphone fixe, comme toi. Voilà. Sans téléphone tout court, d'ailleurs. Sans téléphone tout court. Baptiste est toujours sans téléphone. Il a perdu la ligne. C'est vraiment compliqué pour le joindre. Baptiste, est-ce que tu nous entends? Baptiste, allô, allô. 0486. Bravo, en tout cas, c'était éclair pour trouver Jean-Louis Aubert. Pourtant, la version de Thibaut. Jean-Louis Aubert, elle était sympa. Voilà, c'est fini. Je ne vois plus au loin que ta chevelure nuit. J'ai l'impression d'être au camping. Et que même si c'est con. C'est le moins pire de tous. Bah c'est vrai que il y a quand même un peu de bouteille, on sent. Ouais. Comme nous ce soir. Voilà, c'est fini. On maîtrise pas, maîtrise pas. On veut savoir, maîtrise pas, qui remporte ce premier blindclet de la soirée. Attention mesdames et messieurs, c'est Antoine. Bon, Antoine, wow, tu viens de mettre une belle raclée à Maëva. Un point. Ah ouais. Bravo, c'est sympa. Bah merci, mais je sais que tout n'est pas gagné. Ouais, encore... c'était pour qu'il continue à jouer, sinon il voulait s'arrêter. Donc ouais. Énorme. Elle est mauvaise perdante. Mais non, je suis pas mauvaise perdante. T'as les bras croisés, tu es bouillie dans le fou de ton siège. Et parce que gagner à côté de Maëva, bon, il faut quand même. Il y a des bonnes grosses burnes. Mais Maëva. Mais non, mais c'est tout, c'est l'échauffement, j'arrive. Voilà. C'est une Renault, quoi. Je me suis juste mouillé la nuque. Oh, oula. On va aller boire un petit coup, nous. Allez, hein, sur ce. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait une deuxième partie Il y a une deuxième partie sur les coups de 23h. 23h, on fait une dernière partie. Shadoul. Merci d'avoir choisi cette émission complètement barrée. Je peux vous dire que là, il n'y a plus aucune limite. C'est-à-dire que si jusqu'ici vous trouviez la playlist. Différente. Bah ben là, spéciale. Là, vous n'êtes pas prêt. Là, vous voulez les deux premières notes du prochain morceau ? Oui. Allez, je vous les offre. Voilà, c'est tout. Je crois sans l'embrouille, ça aussi. Non, ça va être sympa. Non. Ah oui, c'est vrai que c'est semblable. Non. T'as rien. C'est pas ça. Bon. Est-ce qu'on peut se connecter à Claude qui se trouve de l'autre côté du studio ? Parce qu'il met en place le jeu que nous allons faire maintenant. Écoute, j'ai sorti tout le budget restant de la saison. Ici, j'ai un dispositif technique. Tu vois le big deal ? Ah oui, à peu près, oui. Eh ben, on est sur le même type de dispositif. Écoute un peu le bruit que ça fait. Waouh ! C'est impressionnant. On n'a pas les gaffettes. On n'a pas les gaffettes. Ah non, ça c'est sûr. C'est le bad toy ? Non, ce n'est pas le bad toy. Mais qu'est-ce que vous faites ? Il a perdu sa prothèse. Je suis en train de tout installer ici. D'accord, oui. C'est cela, oui. Au moins, en tout cas, vous nous faites vivre la chose et c'est pas plus mal, étant donné que nous allons jouer à un jeu très sympathique. Je vous propose de dégoupiller et d'équiper l'appareil de ce qui va commettre le crime, Claude. ASMR. Ah, du déodorant. Non, de la crème chantilly. Oh non. Vous vous êtes bien habillé ce soir, on va tout dégueulasser. C'est pas mauvais, tiche. Non, il faut pas manger, c'est périmé, Claude. Aïe. C'est archi périmé. Je vais devoir aller aux toilettes. Vous allez devoir faire sans moi. On va jouer au juste âge. Je vous propose qu'on fasse cette première avec notre bataille 2001 qui va faire son bizutage. Alors mets ça dans ta poche arrière, tu vas partir près de Claude, là en direct, maintenant tout de suite. Il est pas agressif quand même. Non, il est gentil, c'est un gentil garçon. Viens, dis-je, viens voir. Il a en plus fermé. Viens voir tonton Claude. Il a fermé son pantalon, donc tout va bien. J'ai sorti toute ma crème, viens voir. Donc là, le principe est simple. Vous allez devoir deviner quel âge a une star qui fête son anniversaire aujourd'hui. Une vedette. Attention, l'écart entre l'âge réel et l'âge que vous allez dire va définir le nombre de crans de cette roulette russe qu'il va falloir tourner jusqu'à ce que la crème chantilly explose au visage, en sachant que ce nombre est aléatoire. Vous confirmez, Claude ? Déjà tout le... écoute, j'ai tourné au hasard, tout peut sortir. Ça va péter après 2 secondes. C'est-à-dire qu'à tout moment, ça peut lâcher. Dis par contre, tes bonnettes avec les logos, là, tu sais combien ça coûte, ça ? On va tous quitter ici dans ta cuisine. Hein. C'est la dernière. On sait pas ce qu'on fera en septembre. One life. Hein. Bon allez, vas-y, mets tes vedettes là. C'est des vedettes de la chanson, c'est des acteurs, c'est quoi ? Est-ce que Claude, vous pouvez tenir le micro de Batoy afin que ça salope pas tout ? Attends, je tiens le personnage et son ici. Il faut tout faire. Voilà. Je tiens l'homme. Et maintenant, Batoy, tu m'entends ? J'entends. 5 sur 5. Kenji, Girac, fête. Eh bien, quel âge aujourd'hui ? Il est pas mort en plus. Lui, Non, il joue avec des fusils mais il est pas mort. Eh bien, 30 ans. Tu dis 30 ? Je lui dis 30 ans. Plus... 30 ans, non ? Tu verrouilles, tu valides ? Je valide 30. Attention, on découvre tout de suite si c'est bon ou pas. Aïe. Oui. Il a 28 ans. C'est deux crans que tu vas tourner tout de suite. Et paf, direct dans la gueule. Oh, pas mal! Vite, c'est Antoine qui prend la place de Batoy. Oh non! Allez, mais c'est pas Antoine. Juste pour ceux qui passent dans les derniers! Baptiste va passer son casque à Antoine. Antoine a enlevé quand même ses lunettes avant de partir. C'est mieux qu'un match de foot. Ça va être sympa, ça. Ah, j'adore! Ah, j'espère qu'il va se le prendre dans la tête. 25 milliards de casque et de micro. Alors, je tiens à préciser que je n'ai plus aucun retour dans le casque. Ah! crois qu'il y a un faux contact dans le casque. Eh bien, je ne suis plus connecté. Voilà, on m'a débranché. Adieu. Ah, heureusement, tonton Claude est là. Voilà, tu nous entends, Antoine? Je vous entends. Parfait. Eh oui, je vous entends ici en direct. Merci. Allez, attention, voici l'anniversaire du jour. Marty McFly et Emmett Brown fêtent quel anniversaire aujourd'hui? Mmh. 70 ans? Bah non, hein. Non, arrête. Quel âge ils ont aujourd'hui? T'es vraiment loin là. Fucking aucune idée. Allez, 55. 55? C'était 39. Énorme. On calcule vite la différence, 55-39, ça nous fait donne... 16. Ça fait 16. 16 coups que tu vas tourner, je pense que ce sera pour toi Antoine, je suis vraiment désolé. On y va. Et voilà, c'est dans la gueule. Énorme. Oh, oh cette tête. Il y a vraiment une explosion de chantilly. Vous allez bien? Waouh. On vous mettra évidemment toutes les stories. On peut demander à la radio de les poster, madame. En tout cas, je peux confirmer, ouais, qu'il y a un micro et un casque de moins. On enverra ça sur l'Instagram de la radio, comme ça vous pourrez publier. Belle photo, Kiki. Moi, je fais des vidéos carrément. On passe à Maëva. Allez, ah, vite, Maëva, suivante. À toi. Allez, c'est parti. Je rappelle que le concept est simple. Vous devez trouver l'âge sans trop vous planter. C'est la roulette russe. À chaque fois que vous vous plantez dans l'âge, eh bien, ce sont des crans que vous tournez sur cette machine qui vous envoie de la chantilly dans le nez. C'est pas très radiophonique, mais qu'est-ce qu'on se marre. Je peux vous dire que foutre de la crème chantilly dans la gueule des gens, ça fait toujours du bien. Vous êtes là? Oui. Maëva, oh, est en mais place. J'ai la giclée d'Antoine, là, juste devant. Ah bah ça fait du bien, non? Mais non. Attends, je vais m'installer. Voilà. Prête? Oui. C'est parti. Quel âge a Tom Cruise aujourd'hui? Oh, aucune idée. Attends. Oh, il doit être vieux quand même un peu. 59 ans? 59 ans, tu nous dis. Et la réponse n'est pas 59 ans. J'ai une bonne nouvelle. Oui. On découvre ton sort juste après ce titre. C'est Jadoul. En podcast. On était sur un suspense avec Claude, le maître du jeu, le juste âge. Le but est très simple. La Victoria Silvestre, et j'ai l'impression d'être dans la roue de la fortune ici. Non mais vous êtes loin d'être Victoria. Attendez, moi, j'ai une vraie question, on est en 2024, on est d'accord? Ouais, pourquoi? Mais la chantilly c'est 18 juin 2023. Ben voilà. Il me semblait bien que je commençais à me sentir pas très très bien ici. Mais faut pas la manger. Mais faut pas la mettre sur son visage. On était sur Tom Cruise. Mais Jadou, non. Tom Cruise, tu nous as dit... Il a quel âge? Tu nous avais dit 59. 59. Oh, mais oui, mais combien? Allez, combien? 62. Oh, à toi de tourner. Allez, vas-y, l'écran, vas-y. Mais c'est plus d'un an que c'est périmé, Jadoul. Allez, allez, on y va. Vas-y, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ça fait pas. Ça pas. Je suis passé par là, ça sens, fait pas mal. Dans quel sens? Qu'est-ce que je dois faire? Vers moi? Oui. Ça veut pas, j'ai les mains qui glissent, c'est le stress. Non, je te jure, j'y arrive pas, par contre. Oh là là. Mais on va le faire pour toi. Oui, c'est bon, une fois, c'est déjà fait une fois, là. Allez. Elle est magnifique. Ah, waouh. On dirait que t'as mis ton nez dans un gâteau. Ah, mais je vais mourir. Ah, c'est magnifique, là, elle est sublime. On va tout vous mettre sur l'Instagram de la radio, là, c'est... C'est fabuleux. Bon, qui l'a pas fait? Kix. Ah, Kix. Kix va le faire là tout de suite. C'est la dernière manche. Ah, oh, mais j'ai mon fond de teint qui part avec. C'est mais un bon. Fait, eh ben, franchement, c'est allez, un bon démaquillant à la crème chantilly. Allez, vas-y, vas-y, Kix. Oh, c'est... Allez, allez. Attention, monsieur, ça va redémarrer. Oui. On recharge la machine. Quelqu'un filme. Alors, il y a tout qui coupe. Allez, attends. Super. Attends, parce que Maëva est en train de débrancher tous les casques et tout. Ah, c'est voilà. Super. Oui, on entend bien la crème chantilly, ça va. Ah oui, mince, attends, va juste montrer vite à Jadoul pour déverrouiller la caméra. Oui. Ah, c'est du direct, mesdames, messieurs. Bon, je vais juste enlever mes carreaux là parce que. Ah oui, ah oui, oui, vaut mieux. Vaut mieux. Confirme. Attention, voici la personnalité du jour. Michel Polnareff. Ah, c'est ma mère, ça. C'est ta mère, Michel Polnareff? Oui. Avec ses cheveux. Quel âge fête Michel Polnareff aujourd'hui? Oh, mais c'est facile. Il est assez âgé. Allez, je dirais 67 ans. Merci à tous. Il a 80 balais. Ah, bah ça c'est chouette. Ça. Ah, bah, c'est aujourd'hui, grave, hein. Je suis ravi. Il fête ses 80 printemps. Bon, bah, Kix. Ouais. Je pense qu'il faut tourner. Bon. Un clic. Ah, bah voilà. Ah, bah, c'est super. Ah, oui. Merci à tous. Oh, c'est mignon, on dirait qu'il a fait un masque. T'as vu? Ça me va bien, hein. Ah, c'est pas mal, le mec fait un masque. Ouais, un masque à chantilly. Je comprends fait... l'odeur un petit peu, oui, je comprends. C'est incommode, hein. C'est ça. Chantilly, un andage, hein. Bah, c'est agréable. J'adoule, j'adoule, j'adoule. Bah, tu chantes bien, Luz, quand tu t'y mets. Oui, hein, quand j'ai ma voix qui revient, y'a pas de souci. Bon. On va faire un jeu de la chanson? Oui. Vous êtes tous remis de vos crèmes chantilly, tout bah, ça. À part l'odeur. Oui, ouais. C'est vrai que. L'odeur stagne. Elle est périmée depuis un an, hein. Demain, on va se réveiller avec des plaques sur la gueule, ce sera de ta faute. Pas mon problème. Je vous vois plus durant deux mois, donc. Par contre, les frais de dermato, ce sera pour toi. Hein. Ouais, c'est ouais. Ça. On t'envoie la facture. Comme tout est PV et. C'est vrai, ça, tu me dois d'argent. Oui, bah c'est pas moi on qui roule comme une fois. On va faire les comptes avant la fin de la saison. Tu fais bien de l'ouvrir, on y va, on va jouer avec toi alors. Doudou, bim. Doudou. Le doudou, doudou. Le jeu, le Lily Tonic. Bonsoir, Lysiane. Bonsoir. C'est notre grande copine. Putain, elle est chaude. Ah, elle est au taquet. Hein. On y va, dans le rythme, vous devez répondre du tac au tac. Il n'y a pas la place à la réflexion, il n'y a pas de. Non, c'est direct. La question, tu réponds. D'accord. Top. Qu'est-ce qu'il s'est passé le 1er janvier 1983? La nouvelle année. Le nouvel an, comment les abeilles communiquent entre elles? En faisant bzzz. Par miel, qu'est-ce qui a des dents noires et blanches et fait de la musique? Un piano. Un piano. Quel animal peut lire l'avenir? La tortue. La poule de cristal. Côte, côte, côte. Rattrape-toi en chantant avec moi maintenant. Doudoudou. Ce n'est pas trop mal tiré. Eh ouais, ouais, hein. Wow. Claude, vous avez compris le concept? Et je viens de comprendre que c'était Maëva qui chantait dedans. Oui, c'est ça. Donc il faut répondre à la dame quand elle te pose une question, en fait. J'adore l'humour. Oh waouh. Dis, c'est tes micros qui sentent le rance ici. Hein. Ah bah oui, là vous l'avez dégueulassé hein, avec votre truc. Excuse-moi. Mais ça, c'est de la chantilly, Claude. C'est... Bon, sur le temps qui s'étouffe, Claude, on va jouer avec notre bataille 2001. Allez. Concentre-toi, du tac au tac, on compte sur toi. Pourquoi les sorcières volent sur des balais? Pour prendre de la hauteur. Parce que les aspirateurs font trop de bruit. Comment appelle-t-on un chat tout terrain? Un chat de gouttière. Un 4x4, quel est le comble pour un circuit imprimé? De finir la tête en... Les puces, qu'est-ce qui est orange et qui court? Une orange pressée. Une orange pressée, ha, ha, ha. Rattrape-toi en chantant avec moi maintenant. Tu es nul. C'est franc, mais j'accepte. Claude? Ah, oh, c'est exceptionnel ton jeu. Prêt? Allez, je suis prêt, vas-y. Bravo! Ah ben, Lysiane aussi est prête. On y va, voici la dernière manche avec Claude. Que prend un éléphant quand il va au resto? Une trompe. Il prend de la place. Que dit une orange à une pomme? Rien, les fruits ne parlent pas, banane. Ah oui. D'où viennent les cochons? Ils viennent du ciel. Des quatre groins du monde. Oh, comment t'appelle-t-on un chat qui éteint les feux? Un chat chapoté. Un chapeur-pompier. Pimpon, pin, pon, pin, pon, pin, ne pon. Pin, pon, pin, pon, pin, pon. Elle fait un AVC. Je suis un vrai camion de pompier. Dou dou dou dou dou dou dou dou. Pas mal à ta chanson. C'était le jeu de la chanson. Merci pour votre participation. L'actu connecté et les dernières tendances. C'est avec Jadoul. En podcast. Il est temps de répondre. Je suis pas la bonne page. Aux énigmes de Jean-Pierre Foucault qui est avec nous. Bonsoir Jean-Pierre. Mais bonsoir les amis belges. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Cette remise de l'euro de foot, c'était bien un euro. Magnifique. Ouais. On est encore en dépression un petit peu. Ouais. Ouais, magnifique. Vraiment, ouais, la France a super bien joué. Ouais. Sans transition, on rappelle la règle. Chacun tente de se rapprocher au plus possible de l'exacte réponse à la question que je vais vous poser. La réponse, vous l'avez compris, sera un chiffre. J'ai toujours rêvé de jouer là. Qui veut gagner des millions? Ah bah c'est l'occasion. La question du soir. Googlez. Google a ajouté de nouvelles langues récemment à Translate, son service de traduction. Google Traduction. Combien qu'il y en a maintenant? Réponse A, 110. Réponse B, 243. Réponse C, 71. D, 42. La grande question sur la vie, l'univers et le reste. Alors, un tour de table. Jadoul, votre réponse? Moi, je suis très D, hein. Univers, tout le reste. Hein? Kix? 71. Oui. Maëva? Le plus gros chiffre, 240, je sais plus. D'accord, Baptiste? B, la réponse B. Ah, bah comme moi. Est-ce que Claude a une idée aussi? La réponse 8. Réponse 8. Quel suspense, toujours! La réponse était 243. Bravo, yes. Maëva! Bravo, Baptiste! Et Antoine, une explication tech? Oui, donc Google a en fait rajouté 110 nouvelles langues dans Google Traduction. Donc pour ça, le chiffre 110, si vous avez vu passer l'information dans la semaine, c'était peut-être pour vous induire en erreur. Donc il y a toute une série de nouvelles langues, entre autres le breton. Voilà, donc si vous nous écoutez depuis cette belle région qu'est la Bretagne et que vous voulez vous essayer au breton, vous pouvez utiliser Google Traduction en breton, par exemple. Donc voilà. Mais on rappelle aussi que Google Traduction, ça ne, voilà, c'est pas toujours très abordable. Qu'il y a d'autres services qui existent aussi, comme DeepL par exemple, et puis que ça ne vous empêche pas aussi de Reverso aussi. Ou de Reverso, mais ça ne vous empêche surtout pas de consulter un dictionnaire et surtout de prendre contact avec un vrai traducteur si jamais vous avez vraiment besoin de quoi. Oh, mais c'est fini, Antoine. Comment était ta prof d'anglais, Jadoul? Elle est dans du bonheur. Donc elle m'avait appris à dire Smith, mais sauf que elle mettait sa langue au milieu de ses dents, ce qui n'est pas possible dans les bouches de gens normal, donc bif ten. Elle était toujours en train de m'engueuler. Oui, Jadoul, tu dois non, je ne peux pas. Vous pouvez. C'est simple. Ah oui, vas-y. Smith. Ouais, bah c'est ça, voilà. Et ils ont pas dans Google Translate le Libot pour traduire de la tech à langage humain? Non, par contre, je peux glisser une petite information parce que j'ai remarqué Télétexte là sur l'écran en face de moi. Oui, c'est ton bed. Oui, sachez que j'ai vu passer ce matin que la télévision suisse annonçait les 40 ans de son service Télétexte. Waouh! T'as ton célébré ça? Suisse. Non. Jadoul, non. Il faut dire quoi? Il faut dire Télétexte? Ah non, je l'ai pas. Est-ce que moi je l'ai? Non. On n'a pas la musique du télétexte. Non, c'est fini. Il y a des choses qui vont rester au placard. Peut-être que cet été je le mettrai sur SoundCloud. Oui. Cette petite composition. On va dire au revoir à Jean-Pierre alors. Allez, on va dire au revoir à Jean-Pierre. Jean-Pierre. Bon ben, un jour peut-être pour une nouvelle partie de Qui veut digérer l'info. Bon. Belle soirée full à la bourre. On est obligé là. Ouais, on pourra pas tout diffuser. Mais le plus important, c'est qu'on est là et qu'on s'amuse et qu'on est très très très content de vous accompagner pour ce dernier mercredi soir en direct avec vous. C'est un vrai plaisir et ça continue avec la séquence de Maeva. Tous les mercredis. C'est avec Jadoul. En podcast. Vous êtes prêts à jouer au cinéphile ? Ah oui ! Ah voilà. Ok, Jadoul est vraiment prêt. Toute l'équipe, le reste de l'équipe ? Non, mais... Ah. Antoine. Magnifique. Et Baptiste. Voilà. Ah, parfait. On commence avec la première manche, donc trois extraits d'un même film. Ah, attendez, et je pense que Claude essaye de buzzer. L'autre con. Ok. L'autre con, ouais, c'est ça qui a été dit, ok. Fait toujours plaisir. Donc je disais, premier film, trois extraits d'un même film. À vous de le découvrir, c'est parti. Oh putain. Je suis niqué 3827 kilos de gonzesses. Oui. La personne qu'on vient d'entendre, c'est... C'est ton micro fonctionne, genre? C'est pas le FaceTime hein, ici. Il est allumé? Oui. Non. Non, ah non, il n'est pas allumé, le micro de Baptiste. Comme vous Battery avez dead. Ah, ah. Baptiste dead. Baptiste dead. Moi, c'était Thierry Lhermitte. Oui, c'est Thierry Lhermitte qu'on entend. Mais c'est Jadoul qui a buzzé. Oui, mais j'ai quand même pas de batterie. Mais donc j'ai dit Thierry. Bah voilà, on a dit en commun Thierry Lhermitte. Mm-hmm. Mais c'est pas le FaceTime, c'est le cinéphile. Donc ah, moi, il me faut un film. Je dirais Le Père Noël est une ordure. Non. Ah, super. J'aurais dû préciser que c'était un spécial vacances. Mmh. Ah bah super, allez, vas-y. Oui. Bah, les bronzés. Oui, exactement. Bonne réponse. Exactement. On continue. Vas-y, deuxième manche. Deuxième manche, cette fois-ci, encore trois extraits d'un même film, mais je vous les lis sans aucune intonation. C'est parti. Et à vous de trouver. Premier extrait. Regardez-moi là, tous les deux. Je vous le dis sans haine, vous me le payerez très cher. Mais alors là, très cher. Ah oui. Extrait numéro 2. Je demande à volontaire pour se mettre tout nu au milieu des nudistes. C'est réel là ou c'était un extrait? À peu près tous les castings en radio. C'est l'extrait d'un film, hein, toujours okay. Le même film. Bon. Extrait numéro 3. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité des hommes, c'est la qualité. C'est pourquoi vous allez suivre sous ma direction un entraînement de choc. Oh. 3, 2, 1. Au hasard, les gendarmes. Lesquels? Ça, oh, on s'en fout, c'est bon. En balade, en vadrouille. À Saint-Tropez. À Saint-Tropez. Oh, bah, ça marche, on lui accorde, bravo, bravo, bravo. Moi, je vais jouer au loto. Dernière manche. Bravo, Kix, un point pour Kix. Alors, donc la troisième manche, c'est moi qui vous raconte, enfin qui vous speech le film, mais je suis pas super méga pitch, douée. Pitch, pas speech. Pitch, pitch. C'est vrai que c'est plus beau. Ah, tu dis comme moi. En plus, c'est meilleur les pitchs. Mais je le raconte pas super méga bien. Donc c'est l'histoire en fait d'un gars qui est dans la mer en fait et il se sent un peu incompris et en fait il va aller vers une plage où il y a des vacances et il va pas se faire apprécier et du coup il va un petit peu tout casser, il va un peu se battre, il va même essayer un peu de manger les gens. Et du coup, tous les gens en vacances, ça va être la panique, en fait. La plage va être évacuée, il va y avoir des morts. Et donc ensuite, ils vont prendre un bateau, en fait, pour vouloir chasser le pauvre gars qui est en fait une bête. Et pour vouloir l'attraper, vu que il est méchant et qu'il tue des gens et qu'il tourne autour de la plage où il y a plein de gens en vacances. Et en fait, ça va se passer sur la scène, ça va se passer sur un bateau. Et la bête, elle va vouloir essayer de les attraper, de les manger. Ça se passe dans l'eau, au plein milieu de la mer. J'ai eu trois idées, mais là, les trois idées sont parties en vacances, je crois. Oui. Les dents de la mer. Oui. C'est une blague. Mais oui. Voilà. J'ai jamais vu les dents de la mer. T'as jamais vu les dents de la mer. J'ai jamais vu les dents. Après, un gars qui mange des gens à la plage, enfin voilà quoi. Mais ouais, au début, j'avais Aquaman en tête, ou alors le film Luca, enfin le dessin animé Luca, là. Qui a gagné? C'est Antoine qui a ce point-là. Félicitations. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont un point chacun. C'est très bien, on va en rester là. On n'a plus le temps. C'est super. Là, vraiment, on a plus le temps. Bon, ce que je vous propose de faire, c'est que juste après, on retrouve Claude pour la dernière fois et on fait notre dernier blind test de la saison. Ça vous va? Allez, c'est parti. Et ce sera la dernière séquence forever de l'émission. D'accord. Bah oui. Tous les mercredis, c'est avec un bon rétablissement. Et c'est avec Jadoul. En podcast. C'est également pour la direction. Des bisous. Claude, Yo. On en est où? Mais Claude, y a en français. Ah non, oui. Ça y est, nouveau téléphone. Non, mais ils n'y peuvent rien, c'est pas évident, hein, tu sais, la radio. Oui, bonne soirée, monsieur le directeur, oui, c'est très bien. Ça y est, c'est bon. Vous êtes des nouvelles directives, je suppose. Hein. Non, tout va bien. Oui, c'est ici, ça, c'est encore pour relax. Nous emmerder. On est en fin d'émission, vous croyez qu'on a besoin de ça, Claude? Vous êtes le pire producteur qu'on ait eu. Tu crois quoi ici? Relax, hein? On fait quoi à la radio pour finir le festival de la fanfaronnade ici? Allez. Tu veux faire un puzzle? Un crash-cash? Une partie de Docteur Maboule? Un jeu de cartes? Un jeu du mime? Rien de tout ça fonctionne en radio, Claude. Vos idées, elles sont achetées. Et le concours de paix, alors? Non, mais non! Ben si, ça c'est bien, un concours non, de paix. Non, mais vous servez à quoi ici, finalement? Est-ce que vous jouez votre rôle, en fait? Producteur, ça vous dit quelque chose? Ben, je suis bien dans le rôle, non? Hein, on n'y croira rien. Comment ça, dans le rôle? Vous faites illusion? C'est une comédie? Ah, c'était premier degré? Ah bah oui. Ah, je dois réellement faire la production ici? C'est quoi ça, en fait? Bah, mais enfin, j'ai l'impression que c'est lunaire comme conversation. Claude, vous êtes là parce que vous devez faire... enfin, ça tient pas la route. Moi, j'ai juste travaillé dans une usine à la production de valises en plastique, hein. C'était sympa de voir tout ce plastique se fondre dans les moules. Ah, voilà, mon colis. Mon colis doit être arrivé. Quel colis? Ben, j'ai commandé une machine à soude forain, un plaqué hors camp, une pusher ici. Oh. Et avec quel argent? Ben, avec la prime, hein, qu'ils ont donnée, t'es pas trop bon pour l'émission. Ils doivent être ravis de votre émission. Mais non, mais attendez, y a pas de prime ici. C'est quoi cette enveloppe? C'est quoi la communication sur le virement? Ben, c'est une prime, attends, c'est écrit ici saison 3. Donc, ils sont très contents de votre saison 3, je suppose. Hein. T'as pas reçu ça, toi? Non, en fait, on vient de fêter la fin de la saison 2, Claude. Vous venez de claquer tout l'argent de notre potentielle future saison. Écoute, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir fait ça. Et allô, allô, attends, on pousse le bouton, voilà. Allô, c'est Claudia, maître Claudia, en français. Oui, allez-y. Oui, je descends, j'arrive. Allez, qu'est-ce qui se passe? C'est encore un colis? C'est ça, c'est le colis? Mais non, hein, tu crois vraiment que la radio va nous verser un seul euro ici? Enfin, Jadoul, c'est du bénévolat, c'est ta SBL qui émet, hein. Oui, mais alors, qui essaye de vous joindre? Bon anniversaire à vous, Monique, de la part de la direction. Bon anniversaire! Bon anniversaire! Il y a du vent dans ce studio. Hein. C'est pour ton anniversaire que nous sommes réunis. Et voilà, c'est l'anniversaire de Maëva. Oh, qu'elle est belle! Ah, c'est magnifique, tout ce feu dans le studio, mais ça me fait mais flipper. C'est génial. Bon, allez, Maëva, vas-y, souffle tout et fais-nous un vœu. Ok. Attends, mais j'ai pas réfléchi. Brouille-toi. Joyeux anniversaire. Et spécial pour toi. Toute l'équipe vous souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Coucou Maëva, je te souhaite un joyeux anniversaire. Passe une excellente soirée. Gros bisous. C'est la maman d'Antoine. C'est vrai? Oui. Trop mignon. Et là, on a un danger public. J'ai trouvé quelque chose pour découper ici. C'est magnifique. Encore un petit message vocal? Coucou Maëva, c'est maman. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Et je te souhaite une 27e année où tous tes rêves se réalisent. Je t'aime très fort et je te fais plein de bisous. Et j'en profite aussi pour faire des bisous à toute l'équipe de La Trappe. À bientôt. Merci maman. C'est la maman de Maëva qui nous a laissé un petit message. Et petite surprise. Hello, ravissante Maëva. Toi qui apportes la joie dans l'équipe et avec ta voix sensuelle, un vrai délice. Je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire. Continue comme ça, j'adore. En plus, je rigole, toi qui n'aimes pas perdre. Mais c'est pas grave, c'est normal. On est des filles. Sais-tu qui je suis maintenant? Oui, c'est la maman de Kiki d'Amour. Mais non, mais ne grille pas le suspense. Ah, pardon. Mais moi, j'ai reconnu, je suis une On fan. Va prendre des indices, peut-être. Je te donne des indices. Je peux te dire que j'ai deux chiens. Le deuxième, il m'arrive de chanter faux, et même plus que faux. Le troisième, qui t'aidera sûrement plus facilement, je suis la maman de... Et le deuxième mot sera amour. Là-dessus, je te fais encore plein de bisous et encore un magnifique anniversaire. J'espère que les garçons C'est vont pas long, hein. vraiment bien te gâter et continue comme ça. Tu es une fille adorable. Vraiment, je t'adore. Gros bisous. adorable. Vous l'avez reconnu ? Voilà Kiki d'amour, je sais pas si elle va me reconnaître de suite. Maman s'est bouché le nez, ah oui. Donc je ne sais pas si on reconnaît ma voix de suite. C'est pour ça que j'ai donné les indices et quoi que ce soit. Est-ce que tu m'as reconnu de suite, toi ou pas ? Bisous, bisous. Je l'ai reconnue de suite, la maman de Kiki d'amour. Merci beaucoup. Bon anniversaire. J'espère que ça s'est bien passé. La soupe aux poireaux te souhaite aussi un joyeux anniversaire. Alain de Troyes, ce n'est pas tout. Très bon anniversaire, joie, santé et bonheur. Autant de bisous qu'elle n'a de printemps. Un bon verre à la main avec un bon morceau de gâteau. Et bien voilà, on te souhaite un joyeux anniversaire et un bon morceau de gâteau. Merci beaucoup. Ça te fait plaisir ? Oui, vraiment. On mange ça juste après ? Oui. Allez, c'est parti, on passe à votre séquence préférée de cette émission. Yes. The Music Machine. Je compte sur notre producteur pour fermer la porte du studio sur le temps que tout le monde se remet en place. On a vraiment pas beaucoup de temps pour jouer, hey. Mais on va essayer que ça fonctionne. J'espère qu'on aura le temps de tout faire parce que là, on arrive ric-rac. On va skater le baraque. Voilà, là, ça va être la fin là. Baptiste, est-ce que t'es toujours en vie ? Ça va, je suis là, je suis là. On a perdu le bateau, il s'est effondré. Pour arbitrer évidemment ce jeu du Blanklet, nous avons un grand homme. On maîtrise pas, maîtrise pas. Je suis toujours là présent pour travailler. Ouais, d'accord. Il a complètement défoncé le bar. Et bon anniversaire, je te défends. Il a lâché la rampe. Je vous propose qu'on se concentre. Maëva, tu joues ? Oui. Oh, bon, oui. Kix ? Oui. Antoine ? Oui. Et le Batoy 2001 ? On essaye, on va essayer. Allez, c'est parti, voici la première manche. Claude, vous pouvez aussi jouer, hein, si vous êtes toujours en vie. Allez. Voilà. C'est toujours aussi agréable qu'un duplex RTBF. On y va, voici la première manche sur Radio Burkina Faso. I can give a voice brain. Je te donne Jean-Jacques Goldman et Michael Jones. Tous ces défauts qui sont autant de chance. Tout à fait, version TikTok. Je te donne toutes mes différences. Tous ces défauts qui sont autant de chance. C'est sympa. On ouais, sera jamais des standards. C'est vraiment pas mal. Je te donne ce que je suis. Ah, il y a une de ces ambiances. Deuxième manche. Wise men say only fools. Elvis Presley. Oui, oui, oui. Wise men say only fools rush in. Version TikTok. Like a river flows surely to the sea. Ah, c'est chaud, hein. Falling in love with you. Un mot pour qualifier cette dame, Antoine. Mortel, oui, bah oui. On vous a pas dit que c'était Maëva qui chantait ? Oh. Ah bon ? Antoine, c'est pas une blague, hein. Ah, il a fait le mime qui se bandait. On a vraiment enregistré Maëva. D'accord, mais c'est le titre de base qui me donne envie, oui, de me brancher. Bravo. Et le mec, ouais, juste avant, c'était qui ? C'était moi, ouais. Énorme. On t'a piégé. Mais c'est top. On a mis des gens. Tout ça, tout ce que vous allez entendre, on l'a fait nous-mêmes pour une fois. Batoy joue avec Antoine. Là, toute l'équipe, elle est au courant des titres qu'on a fait. Voici la troisième manche. Oh, ma douce souffrance. Et Claude, vous jouez, hein ? Oh là là! Ah, mais enfin! Mais lâchez cette bière, enfin! Écoute, tiche, j'avais laissé mon micro à côté du gâteau ici. Bravo, hein. Vous ralentissez le groupe. Allez! Troisième manche. Oh, ma douce souffrance. Pourquoi Charles Trenet, douce France. Non. Commence. Mais non, c'est la gamine là. Sans importance. Ah oui, la gamine, oui. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Indila. Oui, bonne réponse. Je remue le ciel jour et nuit. Version Kix. Je remue le ciel le jour, la nuit. T'as mis quoi sur le micro pour avoir un son aussi pourri ? Ma veste. Voilà, c'est ça. Et j'ai mis le micro très loin. J'ai toutes les offenses. Écoute comme mon cœur est immense. Avant-dernière manche. J'irai Claude. Je suis venu te dire que je m'en vais. Oh wow. Et tes larmes pourront rien changer. Ça, c'est un titre de Jadoul. Serge Gainsbourg. Ouais. Hey, c'est moi, oui. Ce cher Serge. Serge Gainsbourg, je vais te dire que je m'en vais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Version moi-même. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes ne pourront rien changer. Bah, moi, j'ai pas... c'est version petit corps malade. Tu vois, il y a grand corps malade. Petit corps. Et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis. À présent qu'a sonné l'heure. Oui, bon, ça va. On y va, on se fait la finale. Maître Ispan, on est où? Maître Ispan. Maître Ispan. À forcer sur la grappe. Ah, vous savez quoi, on s'en fout des points, on se fait la finale. Je suis un maître à la recherche de la vérité. Partenaire particulier. C'est vachement pas mal, version Kix. Partenaire particulier. Ouais, il a un grain de voix. T'es bloqué, pas trop timide. Il a des airs à mettre le feu. Bah ouais. Partenaire particulier. Merci à tous, merci. Voilà, c'était fini. Bon, vous savez quoi? Tout le monde remporte cette partie. Ouais. Et pour se faire plaisir, pour finir cette émission, bah, je vous propose en fait le meilleur titre de tous les temps. Et celui qui... Ah ! Il va vous donner les frissons. L'heure est parfaite pour vous le diffuser. Mettez le son très fort. C'est qui ça, Maëva ? C'est Radiohead. Incroyable. Merci pour cette belle saison. Incroyable. On l'a fait! Au feu, la playlist de la radio! On est des rebelles! En vrai, il faut quand même saluer que cette radio fait un travail, mais vraiment de malade pour une radio de cette taille. Hein. Il faut souligner quand même que KIF a le mérite de faire vraiment un très beau programme, une antenne digne d'une radio nationale, avec peu de moyens, il faut le dire. Et le rendu est quand même top. Ils nous ont laissé une liberté incroyable cette saison. Oui. Et franchement, il n'y a pas mieux que terminer cette saison en les remerciant, parce qu'on les vanne, on les charrie beaucoup, mais grâce à eux, on a quand même encore de la vraie radio. Ça veut dire la radio, on la fait avec notre cœur, on ne se pose pas de questions, on ne fait pas ça de manière commerciale ou en ayant peur de... On s'exprime comme on a envie. On le fait parce que ça nous fait kiffer et parce qu'on s'amuse. Merci infiniment de nous avoir suivis pour cette dernière saison à la... Je sais pas si on sera de retour en septembre, je sais pas si on sera de retour ailleurs, je n'en sais rien du tout. Tout ce que je vous souhaite, c'est de passer un magnifique été. Merci de nous avoir suivis d'ici là, partout en podcast. Merci Bataille 2001, merci Antoine, merci Maëva, merci Claude, merci Kix et merci tout le monde d'avoir participé. Ciao. Ciao. Bisous. Je vous souhaite tout bonheur, une excellente continuation. Et une longue vie sexuelle. Plein de succès. Et voilà. Je vous souhaite dorénavant une excellente soirée. Je vous embrasse toujours. Thank you for listening. Goodbye and thanks. Au revoir, bientôt.